vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan de cette semaine à Assemblage Rookie. Je me débrouillerai pour vous divertir tout seul avec plein de chroniques maison et on parlera avec Tania en direct du CAPS de l'UQTR pour l'accueil des nouveaux étudiants. Assemblage Rookie commence tout de suite. Bienvenue à l'Assemblage Rookie pour la semaine du 28 août 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin n'est pas avec nous en studio, mais elle est au CAPS de l'UQTR parce qu'en direct, en ce moment, jeudi 31 août pour nous, elle est au CAPS pour l'accueil des étudiants. C'est là que ça se passe. Les nouveaux qui arrivent et qui entendent des discours de personnalité du gratin de l'UQTR. Donc ça se passe du côté du CAPS. On va lui parler par téléphone plus tard en émission dans les deux premières heures parce que si tout va bien, il va être avec nous en studio pour la fin de l'émission. Sinon, autour de ça, on a des surprises qui n'ont pas toujours lieu, donc je les annoncerai pas, mais quand même, on prépare des trucs pour le reste de l'émission. Moi, je vais être seul pour faire des chroniques avec vous, on va s'amuser quand même, même si pour ceux qui... Et là, je suis pas sûr que vous êtes très nombreux, là. Mettons que c'est pas le même public. Mais hier soir, après le baseball, j'ai animé le Mathieu Plante Show live, et j'ai terminé ça à genre minuit moins quart. Fait que j'ai comme une heure et demie de sommeil dans le corps aujourd'hui, ça va super bien aller. Si je tombe pas sous connaissance, sans connaissance, c'est la fin de l'émission. Hey, tantôt, anecdote drôle. Je monte dans l'autobus, je monte ma carte, la madame me dit « Non, non. » Je dis « Ben oui, je pointe la carte, c'est parfait. » Elle me dit « Non, non, c'est pas ta bonne carte, c'est ma carte Visa. » Ouais, c'est ça, pas dormir. Donc aujourd'hui, dans nos chroniques maison du sexe, mais ça ne devrait pas là, on a aussi les instructions d'assemblage qui s'en viennent, une grosse pointe en dresse, plein d'autres choses, j'en suis certain, pas tout à fait. Mais on va commencer en musique, et en fait, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin que les palmarès en ce moment, parce que bon, vous le savez, les palmarès servent pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y en a eu comme trois en tout. Donc on va retourner un petit peu à avant l'été, donc allons entendre Napalm Pom. Voici Get Love tout de suite, c'est Assemblage Rookie pour encore 3 heures. Pom Pom avec Get Love à Assemblage Rocky. Si ça, ça vous réveille pas, il vous faut un café glacé lait. C'est excellent. Toujours Assemblage Rocky, mais non, c'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais ça ne devrait pas, on l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément quelques minutes plus tard en montrant votre carte d'autobus sur Internet. Tu sais, à la place, c'est un peu comme le contraire de tantôt. J'ai fait la même blague à la serveuse de la chasse. Je racontais en début d'émission que j'avais montré ma carte de crédit dans l'autobus à la place de ma carte d'autobus. Donc, à la fille de la chasse-galerie, j'ai montré ma carte d'autobus. C'était bien drôle. Fallait être là, hein? Bref, on parle de stérilisant pour les escalators, tu sais, les genres d'ascenseurs, escaliers qui montent tout seuls dans les centres d'achat. Donc, c'est un handrail sterilizer qui dit enlever les microbes sur ces escalators. 99,99% sont tués par une irradiation des microbes par une lumière ultraviolette. Peut-être êtes-vous anxieux, oui, à la pensée de toucher à ces choses-là. Eh bien, LG Innotek et Clearwin disent avoir un nouveau stérilisant qui peut enlever, comme je disais, 99,99% de ces microbes-là via UVGI, donc Ultraviolet Germicidal Irradiation. C'est une première au monde, selon les compagnies. Ça bloque toutes les sources d'infection. Ça les empêche de se propager. Et donc, ça détruit complètement l'ADN des microbes via une lumière UVLED à une onde de 278 nanomètres, wavelength de 278 nanomètres. Donc UVGI désinfecte en utilisant la lumière UV pour tuer ou détruire les micro-organismes en ciblant les acides nucléiques ou en dérangeant leur ADN, ce qui fait qu'ils sont incapables de performer leurs fonctions cellulaires habituelles. L'UVGI, c'est souvent utilisé pour désinfecter l'air, l'eau, les aquariums, et c'est souvent utilisé aussi dans l'hygiène des laboratoires. LG dit que son stérilisant peut être facilement installé sur les escalators et ça génère du courant tout seul en convertissant le mouvement le truc que tu prends sur les côtés là, pour mettre ta main dessus. Là, bref, ça utilise le mouvement de ça pour convertir ça en courant. La lampe de stérilisation a une vie de plus de 10 000 heures, quand même pas si mal. Et la compagnie dit que ça a déjà été approuvé par les gens qui s'occupent des réglementations dans l'Union européenne et dans la Corée du Sud. On ne sait pas encore combien ça va coûter, mais bon, c'est pas pour vous de toute façon, c'est pour les centres d'achat, entre autres. Ensuite, parlant de magasinage, Amazon lance The Hub. C'est un système de livraison dans des casiers pour les blocs appartements. Pas besoin de portier, pas besoin de concierge ou peu importe pour venir prendre vos paquets quand ils arrivent et si vous n'êtes pas à la maison. Donc Amazon a révélé un nouveau système pour les blocs appartements et d'autres complexes d'habitation où il n'y aurait pas de service de bureau de poste, si on veut. Donc c'est Engadget qui a découvert ça pour commencer. C'est The Hub que ça s'appelle. C'est essentiellement un ensemble de casiers où les paquets sont livrés et sont gardés. Ensuite, lorsque quelqu'un est prêt à recevoir un paquet, ben, ils entrent le petit code de réception dans le système. Et la porte correspondance va s'ouvrir avec l'article dedans. Ça ressemble à un quiz télévisé, on dirait le banquier, c'est incroyable. Amazon dit que ce système-là accepte les livraisons de tous les expéditeurs, donc peu importe la compagnie qui livre. Amazon a déjà un système de réception de colis à libre service. C'est un système de livraison qui s'appelle Amazon Locker. Eux, ils sont placés dans les dépanneurs 7-Eleven partout dans les grandes villes. The Hub, de son côté, est disponible à l'intérieur et à l'extérieur, donc deux options en quatre couleurs. Les formats commence au Starter Hub, qui est un modèle de 6 pouces de large avec 42 compartiments. Ensuite, il y a un module d'expansion disponible qui en ajoute 23. Le prix pour ces casiers-là n'est pas encore clair et ceux qui sont intéressés à installer un hub dans leur bloc appartement doivent remplir un formulaire avec les détails de leur bâtiment. L'avantage, c'est que les casiers sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous allez pouvoir ramasser vos paquets de façon sécuritaire sans avoir quelqu'un qui touche à vos affaires. Ensuite, ça c'est un petit peu bizarre, c'est une copie scellée du jeu Super Mario Brothers qui ramasse 30 000 $ US sur eBay. Quand on pense à des jeux de collection, des jeux rares, probablement que le dernier jeu sur votre liste serait Super Mario Bros. On s'entend que c'est comme un jeu assez commun, un des jeux les plus communs de l'existence de la NES, et la logique dirait que sur le marché secondaire, ça vaudrait pas grand-chose, sauf en conditions exceptionnelles. Aha! Justement, une copie scellée du jeu de plateforme super populaire s'est vendue pour 30 100 $ 44 sur eBay, et le vendeur a confirmé que l'acheteur a payé. Donc c'est même pas quelqu'un qui a gonflé le prix pour faire des grands titres dans les médias, là. Ça a vraiment été payé, et quelqu'un va recevoir sa copie scellée. Donc le vendeur s'appelle DK Oldies et il a dit à Kotaku.com que le jeu était dans les bureaux de la compagnie depuis plusieurs années, depuis un bon moment en fait, dit-il, et ça a été échangé avec une collection il y a plusieurs années. Donc qu'est-ce qui le rend si spécial? Ben, c'est le fait qu'il est scellé et absolument en condition mint, comme on appelle dans le domaine, dans le jargon, donc complètement parfait, aucun coin bossé ou rien, ce qui aide vraiment beaucoup. Et on dit que c'est une version hang tag, H-A-N-G-T-A-G, où la boîte avait un onglet à l'arrière ce qui permettait au jeu d'être accroché sur un crochet, vous connaissez le système. Et bien c'est encore plus rare selon les experts, il y a peut-être une douzaine de ce type d'emballage de ce jeu-là en existence sur la planète. Et c'est le mieux gardé, le mieux, le mieux conservé, préservé qui existe. Donc DK Oldies dit que le même acheteur a acheté d'autres jeux scellés de sa part, qui étaient disponibles en même temps, dont une copie scellée de Kid Icarus qui a fini à plus de 11 000 $. Ça, c'est un collectionneur ainsi qu'une personne vraiment riche. T'sais? Ensuite, on retourne magasiner un petit peu avec les magasins Target. À la place d'amener des étudiants universitaires ou collégiens en autobus à ces magasins, Target va ouvrir de nouveaux magasins en testant des options de ramassage. Donc le retour à l'école évidemment commence, les vendeurs, les grandes surfaces, peu importe partout au pays, compétitionnent pour remplir les sacs à dos des étudiants avec plein d'équipements, des nouveaux crayons au plomb. Là. Ils vont s'acheter, j'imagine, les étudiants qui vont habiter dans un dortoir, peut-être une télé, mini-réfrigérateur, autre truc qu'on a au collège habituellement. Donc Target est un de ces magasins et le magasin décide d'aller encore plus loin que les autres en offrant une option de ramassage et aussi des boutiques pop-up sur les campus. Vous connaissez le principe des pop-up, c'est quand un magasin ouvre temporairement, c'est voulu qu'il y ait une date de fin à ça. Donc le Minneapolis Star Tribune nous dit qu'après 15 ans d'avoir amené des étudiants en autobus avec une navette chez Target pour des événements de magasinage après les heures de fermeture, le magasin change un petit peu et va là où les étudiants sont déjà, c'est-à-dire les campus. Sous le précédent système qui ciblait les universités et les collèges de Target, le magasin amenait les étudiants, comme je disais, en autobus dans ces magasins où les gens pouvaient choisir des essentiels tout en écoutant des chansons de DJ sur place. Quand même cool comme idée. Étant donné que d'habitude, il n'y a pas de musique du tout chez Target, ça fait très différent. Donc, à la place d'amener les étudiants au magasin, Target amène maintenant les magasins aux étudiants. On dit que ça va être des pop-up qui vont durer 2 jours dans les campus universitaires, selon le Star Tribune. Le premier pop-up a eu lieu... Ou est-ce que la date est écrite? Non, la date n'est pas écrite, donc je ne sais pas si je dois le mettre au passé ou au futur, mais bon, c'est sur le campus de l'Université de la Caroline du Nord, où les étudiants pouvaient magasiner des éléments de décor et d'autres trucs comme ça pour le retour en classe, dans les dortoirs surtout. Ça offre une façon pratique pour les étudiants de ramasser les nécessités, et c'est aussi une opportunité pour Target de montrer ses nouveaux magasins plus petit format, plusieurs qui sont construits près de campus universitaire. Excellente idée de leur part, pas nécessairement une bonne idée pour les étudiants, quoique... Avoir des rabais, c'était pour les acheter quand même, ces affaires-là. Tant mieux si t'as un magasin à côté de chez toi. Ce qu'on aime pas, c'est les cartes de crédit qui t'offrent une beaucoup trop grosse limite directement sur le campus. Je crois que ça fait quelques années que ça... Est-ce que je dis n'importe quoi? Il me semble que j'avais entendu dire qu'il n'y en avait plus à l'UQTR. Bref, peu importe, là, c'est pas le sujet de la chronique. Bref, Target a récemment ouvert deux de ce style de magasins-là, qui font environ... 20 000 pieds carrés. Il y en a un près de l'Université de Cincinnati et l'autre à l'Université de la Caroline du Nord. Et puis, il y a aussi des navettes via Gotcha Ride pour aller au magasin pour les étudiants aussi. Donc, c'est un peu le mélange des deux façons de faire. Ils veulent ouvrir Target plus de 30, non, juste 30 nouveaux magasins de petit format d'ici la fin de l'année 2017, doublant sa présence dans les marchés banlieues et urbains, ainsi que les campus universitaires. Ensuite, un brevet d'Amazon qui suggère de la réalité augmentée pour le magasinage. Tiens, on reste dans le même domaine. Niantic maîtrise parfaitement la réalité augmentée dans son jeu Pokémon Go, mais cette technologie pourrait servir dans bien d'autres domaines, y compris pour le shopping. C'est en tout cas l'idée explorée dans un récent brevet déposé par Amazon. Le brevet en question décrit un système dans lequel la réalité augmentée aiderait les clients à essayer certains produits comme les vêtements. Le système en question pourrait ainsi, si vous êtes devant une montre ou un quelconque bracelet connecté de sport, vous le faire essayer virtuellement, ce qui est parfait pour essayer une Apple Watch. À travers une application, vous auriez... ainsi, une idée précise de vous en train de porter le dit produit, plus efficace que de vous contenter de la photo avec un modèle, car c'est bien plus réaliste, surtout pour les montres, entre autres, qui ont des cadrans de différentes grandeurs, comme justement la Apple Watch, je crois c'est 38 et 42 mm. Ça a pas l'air gros, mais sur ton poignet, c'est quand même pas mal évident comme différence. Bref, idée intéressante. Pour l'instant, ce n'est qu'un brevet, donc on sait pas si ça va aboutir. Ça pourrait donner des idées à bien des gens. Ensuite, on parle d'une boîte à lunch avec balance, pèse-personne intégrée. pèse personne, on pèse. Ouais, c'est ça, une balance, on va se dire. Pèse personne, c'est pour une personne, on parle de bouffe. Si vous êtes de ceux qui, pour qui le nombre de calories avalées importe à chaque repas, vous savez qu'il est très important de respecter les chiffres mis en place, nous rappelle Uber Gizmo. Et lorsqu'on mange dehors, la chose n'est pas souvent aisée. Difficile de se balader avec une balance sous le bras, donc voici la boîte à lunch Macro Pack avec balance intégrée. Les boîtes à lunch sont à la mode. OK. C'est l'article est français. Ils disent « Les lunchboxes sont à la mode ces derniers temps. » Non, mais sérieusement, c'est quoi? C'est nouveau pour vous en France? C'est quoi? Ils sont avec des sacs de papier depuis toujours? Je sais pas. Donc, c'est l'accessoire parfait quand on veut manger dehors et profiter d'un menu digne de ce nom. C'est le fun, les nouvelles informations sur les boîtes à lunch. Donc, la boîte Macro Pack propose, comme beaucoup d'autres, des compartiments modulaires ainsi que, et c'est là que ça rend unique, une balance. Celle-ci dispose de plusieurs boutons ayant la même forme que chacun des compartiments pour que vous puissiez peser votre nourriture et calculer vos macros. Par exemple, si vous faites un régime pauvre en glucides, vous pouvez utiliser la balance pour peser votre apport de glucides. Même chose pour les vitamines, les protéines, les graisses, etc. Et tout ceci tient en une seule petite boîte. Vous pouvez emporter le tout à l'école, au travail, à la salle de sport et partout. La boîte à lunch Macro Pack est actuellement en pleine campagne de financement sur Indiegogo. Elle a dépassé son objectif. Ça vous coûte $60 US environ, en plus des frais de port pour réserver la vôtre, avec un jeu de compartiments et des couverts. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de décembre 2017. Ensuite, un testeur d'allergènes pour nourriture en photo. Une étudiante britannique qui a créé un appareil pour tester les allergies dans la nourriture et même la présence de viande et de poisson pour les vegans. À l'Université britannique de Brunel à Londres a présenté le 22 juin dernier un nouvel appareil développé par l'une de ses étudiantes, Imogen Adams. Il s'agit d'un appareil portable et connecté qui pourrait sauver les allergiques de crises imprévues. De quoi intéresser un large pan de la population mondiale. On dit, ici on parle en France, mais 3,4% des personnes, soit plus de 2 millions de Français, sont allergiques à certains aliments. L'appareil qui s'appelle Ally, comme un allié, est léger et petit. Il se présente un peu comme les appareils utilisés par les diabétiques pour vérifier leur taux de glycémie dans le sang et fonctionne avec des petites bandelettes. L'utilisateur va écraser un peu de la nourriture qu'il pense pouvoir contenir des allergènes et la dissoudre avec un peu d'eau. Il place ensuite une goutte de cette mixture sur la bandelette qu'il insère dans l'appareil et ce dernier va analyser la composition des aliments et détecter les allergènes. Relié au téléphone intelligent via une application dédiée, Ally va alors prévenir son utilisateur de la présence du ou des allergènes qui le concernent. Initialement développé pour tester la présence de lactose, c'est pour moi et Tania ça, l'intolérance alimentaire la plus répandue dans le monde, on est vraiment pas originaux là-dessus. Le petit appareil pourrait être amélioré par sa créatrice pour être utilisé pour tester la plupart des allergies communes. Imogen Adams espère même transformer son appareil en testeur pour végétariens afin qu'ils puissent déceler d'éventuelles traces de viande ou de poisson dans leur repas. L'appareil pourrait devenir réalité et être mis en vente. Ensuite de ça, une brosse à dents qui lave aux dents en 10 secondes, ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai, hein? Mais ça a eu beaucoup de succès sur Kickstarter, c'est Llama Brush, une brosse à dents automatique qui propose de faire le ménage dans votre bouche en 10 secondes, top chrono. Elle cumule à l'heure actuelle plus de $2,6 millions sur Kickstarter, en date de l'article bien sûr. Les dentistes recommandent de se brosser les dents 3 fois par jour, environ 3 minutes à la fois, pour protéger ses dents des caries et autres problèmes de gencives, mais pour certains ça semble déjà trop. Tu vois, moi j'ai une brosse à dents avec un minuteur intégré puis c'est 2 minutes. Il me semble. Quand on n'est pas chez soi aussi, c'est bon difficile de se promener avec sa brosse à dents et son tube de dentifrice partout. Donc, Amabrush veut répondre à cette problématique en proposant un appareil qu'on se cale dans la bouche et qui se charge de nettoyer les dents en 10 secondes. Le tout se recharge ensuite en USB et il faut changer la tête tous les 3 à 6 mois comme une brosse à dents standard. Amabrush utilise également du dentifrice, donc c'est comme une brosse à dents électrique traditionnelle, exception au fait que vous n'avez rien d'autre à faire que de la mettre dans votre bouche. Et si vous voulez, vous pouvez aussi la connecter en Bluetooth à votre téléphone pour régler l'intensité de la vibration. Sur Kickstarter, le concept a attiré plus de 22 000 personnes qui ont précommandé cette brosse à dents pas comme les autres. Et c'est pas terminé, il reste encore quelques jours, en tout cas en date du, je crois que c'était le 1er août l'article. Le gadget... Il va quand même falloir acheter des capsules de dentifrice compatibles avec le système à chaque fois et l'état de brossage à part aussi. Donc un investissement quand même à prendre en compte dans l'achat d'un produit dont la livraison est prévue pour, encore une fois, décembre 2017. Ensuite, une machine à espresso en béton. Ah que c'est joli! Les gadgets en béton, oui. Il y a une petite mode là-dessus quand même. On l'a pas tellement vu passer, mais une petite mode quand même. Donc, étant donné leur poids, la réponse est évidemment que c'est pas pour tout le monde. C'est esthétique, on a ça quand même. Et si vous êtes adepte de café, vous allez pouvoir peut-être vous procurer la machine à café de chez Anza, qui rassemble style et pratique. Donc, un look brut. Et le gadget sera aussi connecté, comme tous les gadgets de nos jours. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur la machine à espresso, mais Anza compte lancer un financement participatif sur Kickstarter, au mois d'août, c'est en ce moment. Ceux qui sont intéressés pourront y aller, pour les infos supplémentaires. On dit que la machine à Café Anza en béton va être lancé au courant de 2018. Ensuite, une manette unique pour toutes vos consoles et même votre PC. Ah wow, une grosse promesse de la part de Digital Death que cette All Controller, une manette universelle pour consoles et PC. C'est via la plateforme, encore une fois, Kickstarter, que Digital Death, profondeur numérique, a décidé de proposer son projet All Controller, soit une manette de jeu universelle vouée à remplacer les manettes de nos consoles préférées, mais qui peut aussi s'adapter à nos smartphones et tablettes, ainsi qu'au PC. Une promesse au PC, ça c'est oignon, piment et champignon. C'est ça? Une promesse plutôt ambitieuse de la part de la startup qui a visiblement conquis les internautes puisque le projet a d'ores et déjà dépassé son objectif alors qu'il lui reste, évidemment, en date de l'article, quelques jours encore. En ce qui concerne le fonctionnement, All Controller nécessite évidemment un adaptateur USB dans sa version sans fil qui devrait être inséré dans une PS3, une PS4, une Xbox 360 ou une Xbox One. Le concepteur promet déjà une compatibilité avec la Wii, la Wii U et même la Nintendo Switch, mais via une mise à jour future. La manette sera également livrée avec tout ce qu'il faut en termes de pilote pour fonctionner sur les périphériques Windows, sous Mac, sous Linux, iOS et même sous Android. La manette All Controller permettra de se créer jusqu'à 16 profils qui pourront être édités directement depuis la manette elle-même, cette dernière étant dotée d'un écran LCD pour faciliter le mapping des boutons. On pourra aussi passer d'un profil à un autre en fonction de la console ou du jeu en cours. Aucune application à télécharger, tout s'effectuera directement depuis la manette. L'utilisateur pourra également grouper les boutons sur une seule et même touche pour faciliter par exemple les combos, mais aussi ajuster la zone morte des deux joysticks ainsi que leur sensibilité. Ça commence à être technique pas mal. Côté autonomie, Digital Death promet une durée d'utilisation d'environ 40 heures avant d'envisager la recharge. À noter que la manette All Controller sera disponible en version sans fil avec donc un dongle USB, mais aussi en version filaire avec directement le fil USB. Côté tarif, on parle de 75€, j'aurais tendance à dire 100... Ça va, on va aller voir ça. 111, j'allais dire 105, 110, je te proche. Bref, pour ce qui est de la disponibilité, il va falloir encore patienter un petit peu parce que le All Controller ne sera pas commercialisé avant le mois de mai 2018 et de nombreux modèles sont déjà vendus sold out. Si vous êtes intéressé, allez sur la page de Kickstarter, le lien sur assemblagerequis.com. Belle manette pour vrai, une manette digne d'un, je dirais une Xbox. C'est quelque chose de vraiment, ça a l'air lourd, ça a l'air pesant, j'aime ça. Une belle manette. Ensuite, parlant de manettes de jeux vidéo, 20 ans après, la Nintendo 64 a droit à une manette digne de ce nom. Il y a beaucoup de gens qui estiment que la manette de la Nintendo 64 est une des pires manettes jamais conçues. Je suis de cet avis vraiment, pleinement. Le petit joystick qui casse tout le temps, les boutons qui deviennent mous. J'aime vraiment pas la Nintendo 64 avec ses trois bâtons, on dirait le logo de Batman, là, ça se tient un petit peu mal. T'as des difficultés à jouer avec et le joystick et les boutons en plus des flèches. Faut tant que tu choisisses un bord ou l'autre. Ma manette préférée, je dirais que c'est celle de la GameCube. Mais bon, peu importe, c'est pas important. Un petit groupe de joueurs invétérés a décidé de l'améliorer, la manette de la Nintendo 64. Donc la manette s'appelle Retro Fighters N64. Et leur campagne de financement participatif a vraiment beaucoup plu. Il a fallu moins d'une journée pour atteindre l'objectif de 13 000$ US. Plus de 61 000$ en date de l'article ont été ramassés. La manette en question délaisse les trois grips de l'original, comme on connaît de la manette de Nintendo 64, pour offrir un design un petit peu plus classique, avec seulement deux poignées. J'ai dit tantôt que je trouvais ça bizarre, les trois poignées, bon. Retro Fighters a aussi largement amélioré le joystick. Un meilleur grip, c'était un des problèmes, là, ton pouce, aussitôt que t'avais un petit peu les doigts humides, là, glissait du joystick dans le milieu, c'était affreux. Beaucoup moins lâche aussi, il devenait tellement lousse, tu pouvais genre juste l'effleurer du doigt puis il partait de l'autre bord. Les poignées sont plus ergonomiques et les gâchettes de meilleure qualité. La manette Retro Fighters N64 est compatible avec le Rumble Pack, ce qui fait vibrer la manette, le standard, le Rumble Pack de la Nintendo 64 et autres cartes mémoire d'origine. Elle se branche aussi directement sur la Nintendo 64, aucun adaptateur nécessaire. Vous pouvez réserver la vôtre pour seulement 20$. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de novembre prochain. Divers coloris devraient être proposés. Vraiment une belle bête, pas aussi belle que l'autre d'avant, mais quand même. Ensuite... on revient un petit peu au magasinage. Comment est-ce que les grands magasins traquent vos déplacements? Ça rend curieux pas mal. BHV, Forum des Halles, boutique de sport ou de jouets, les enseignes sont de plus... OK, c'est des magasins français, j'imagine. Sont de plus en plus nombreuses à pister leurs clients dans leurs rayons. Et pour cela, il suffit que le Wi-Fi de votre téléphone soit activé. Aha! Je l'ai souvent dit de ne pas activer le Wi-Fi. Tout le monde peut voir dans les commerces. T'sais, pour vrai, le LTE, aller juste moins longtemps sur Internet, aller faire moins d'affaires lourdes. Prenez la LTE, ça passe par le réseau normal de votre compagnie de téléphone cellulaire qui vous espionne de toute façon, et non pas le Wi-Fi d'un commerce en tant que tel. Donc, une discrète feuille blanche, format A4, semble avoir été collé sur un pan de mur à la va-vite. On y apprend que le BHV, ce magasin parisien, a mis en place un système de géolocalisation et qu'il faut désactiver le Wi-Fi de son smartphone si on ne veut pas être ciblé. Mise en ligne sur Twitter par l'utilisateur Adrien Avey, la photo a fait son petit effet cet été, mettant en lumière l'existence de cette pratique en France. Ce qui choque dans le cliché pris au BHV le 31 juillet dernier, ce sont les informations minimalistes délivrées sur le dispositif et le fait que le public n'en soit pas plus clairement averti. Mais suivre les déplacements des clients est tout à fait autorisé dans le pays français et surtout de plus en plus répandu. Outre le BHV, les galeries Lafayette, qui appartiennent au même groupe, s'y mettent. Après les essais du Forum des Halles, de la Vache Noire, des Quatre Temps, des magasins Intersport, Toys R Us ou encore Gautier, comme en témoignent les références des acteurs de ce marché, Feeds Up et Timo sur Internet. Sur son site, le partenaire de BHV, Oxy, fait une analogie avec les cookies informatiques qui enregistrent des informations sur les internautes et permettent de suivre leur comportement. Son dispositif serait l'équivalent de ces petits mouchards dans le monde réel. Techniquement, pas question d'utiliser le GPS en intérieur, car les données satellites n'y sont évidemment pas accessibles, mais on peut en revanche capter les signaux Wi-Fi, Bluetooth, radio, Ultra Wide Band, et dans le cas de Oxy, c'est le Wi-Fi qui est privilégié. Pour cela, il faut avoir installé au moins 3 hotspots dans les points de vente afin de réaliser une triangulation. Si le Wi-Fi est activé sur un smartphone, il va émettre des signaux dont l'intensité varie en fonction de l'éloignement des bornes. En les mesurant, on peut donc déterminer la position du propriétaire et la SNIL. La SNIL, c'est... Le SNIL, marquez surtout pas, c'est quoi la définition du SNIL, hein? Il y a tout sauf ça sur leur site internet. Ok, on va aller voir sur Wikipédia, je vais pas dire n'importe quoi quand même. Le SNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Voilà. Donc la SNIL impose que les données soient anonymisées pour identifier un smartphone. Le système prend donc le plus souvent en compte son adresse MAC, c'est-à-dire l'identifiant unique de sa carte réseau, qui n'a rien à voir avec le MAC OS. L'intérêt pour les enseignes est de suivre l'itinéraire des clients, de connaître leur temps de stationnement et au final de modéliser leur comportement pour mieux adapter l'offre à la clientèle, voire passer à l'étape suivante, celle du geofencing, qui consiste à envoyer des messages promotionnels sur les terminaux lorsqu'on est devant un magasin, par exemple. Il ne doit pas être nécessaire de se connecter volontairement à un réseau public Wi-Fi pour être traqué et les possesseurs de smartphones vont être de plus en plus confrontés à cette situation. Car la technologie pointe maintenant le bout de son nez sur la voie publique après avoir refusé les demandes de JC Déco en France qui voulait géolocaliser les passants depuis ses panneaux publicitaires. La CNIL a autorisé au mois de mai la société 8NC à réaliser dans ce domaine une première expérimentation à Dijon. Donc bientôt, vous ne pourrez plus vous échapper à la géolocalisation de votre téléphone. Ensuite, toujours en magasinage, à côté de la référence évidente Amazon Basics, le groupe de commerce électronique a discrètement créé des dizaines de marques pour s'ouvrir à de nouveaux segments de produits et doper les ventes sur son service payant Amazon Prime. Le groupe donc Amazon se porte plutôt bien ces derniers temps, permettant son patron Jeff Bezos de devenir pendant un court laps de temps l'homme le plus riche de la planète devant Bill Gates. Ici, le cours de l'action d'Amazon n'a cessé de grimper au point de dépasser le seuil symbolique des 1 000 $ en juin dernier. Toutes les stratégies ou presque sont bonnes pour alimenter la croissance de la multinationale. Logistique sans cesse affinée, recherche de nouvelles technologies, utilisation des ressources économisées par optimisation fiscale pour mettre la pression sur la concurrence. De nombreuses solutions sont mises en place pour assurer la croissance du groupe. Il y a aussi des méthodes cachées. Le site Quartz révèle ainsi qu'Amazon gère directement des dizaines de marques de produits sur son propre portail sans le préciser à ses clients. Si la marque Amazon Basics est bien revendiquée, c'est clairement un produit Amazon. Quand les clients achètent des articles de marque Arabella pour de la lingerie, Franklin & Freeman pour les chaussures ou New Pro pour les produits technologiques, ce sont en fait des marques détenues par Amazon auxquelles ils ont affaire sans le savoir. Quartz a ainsi repéré un ensemble de 19 marques détenues par Amazon, dont une seule, Pins On, est présentée comme affiliée au géant américain qui a réalisé de nombreux autres dépôts de marques sans encore proposer de produits sous ses noms dans son portail. Cette pratique serait en partie liée au fait que la marque Amazon ne peut pas être appliquée sur tout type de produits sans créer une certaine confusion. La marque Amazon étant plutôt associée à des produits technologiques comme le Kindle, l'Echo, entre autres. Une pièce de lingerie fait sans doute plus envie quand elle est vendue sous la marque Arabella qu'avec le logo d'Amazon. Évidemment, un consommateur averti n'a pas forcément envie de voir les produits très divers qu'il commande arriver tous sous la marque Amazon, même si vraiment c'est probablement le cas. Elle permet également d'accroître les volumes de transactions générés par le service Prime, puisque ces marques cachées d'Amazon sont généralement seulement accessibles aux membres d'Amazon Prime. Ces derniers, en payant un abonnement annuel, sont l'un des fers de lance des revenus du groupe et sont en conséquence choyés par des avantages gratuits comme la musique, vidéo en streaming, livraison rapide, etc., etc., pour genre 80 ou plus dollars par mois. Faut vraiment que tu commandes beaucoup, hein? Donc, se comptant désormais en dizaines de millions de clients, ils ont aussi droit à des avantages sur les ventes rapides et promotions du portail. Et ont même leur Amazon Prime Day annuel. Ensuite, toujours chez Amazon, on lance Instant Pickup pour récupérer ses commandes toujours plus rapidement. Tantôt, on a parlé de petits coffrets, de petits boîtiers, casiers postales, voilà, dans les blocs appartements. Amazon, donc, qui est déjà capable d'offrir à ses clients dans le monde entier des livraisons en seulement quelques jours, même en quelques heures pour les grandes villes. Mais le géant veut aller plus loin avec Amazon Instant Pickup, une disponibilité presque instantanée. Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas ici d'un service de livraison, mais de récupération de commandes. Tous les articles qui ne seront évidemment pas éligibles à cette Instant Pickup seront privilégiés la nourriture, les boissons, les produits d'hygiène, ce qu'on a le plus souvent besoin dans une relative urgence. Sitôt votre commande passée, vous n'aurez plus qu'à la récupérer dans un des points de retrait compatibles. Chez Amazon, on dit que les comportements liés au shopping évoluent constamment. Les clients disent tout le temps qu'ils veulent leurs articles le plus rapidement, que ce soit un truc à grignoter, un chargeur de téléphone qui a disparu ou pour ajouter Alexa dans leur vie avec un Echo. Instant Pickup permettra aux membres Prime de gagner un temps précieux. Pour l'instant, Amazon Instant Pickup n'est proposé qu'aux abonnés de Prime et on compte que deux adresses de récupération des commandes passées par le service à Berkeley et à Los Angeles. Évidemment, si ça a du succès, ça va sûrement faire des petits. On parle de jeux vidéo maintenant avec la Nintendo Switch et un accessoire non officiel pour jouer avec une seule main. Non, mais tu sais, ça se peut, là. Il y a des gens qui peuvent seulement jouer aux jeux vidéo avec une main. On s'en fait pas avec ça, on ne les juge pas. Jouer à un jeu vidéo, ça paraît bien simple quand on a ses deux mains. Il suffit de les placer sur la manette ou sur un clavier, souris, et le tour est joué. Sauf que si on a une seule main, ça peut être un petit peu plus difficile. Il existe plusieurs solutions pour les PC et certaines consoles de jeux. Il se pourrait bien que la Nintendo Switch vienne de découvrir son premier accessoire dédié à l'accessibilité. On le doit à l'ingénieur Julio Vasquez. Sa création permet de profiter des deux Joy-Con avec une seule main. Les deux Joy-Con, ce sont les deux appareils avec les joysticks dessus, les petits boutons puis les petits boutons qui tournent, que tu tiens chacun dans une main. Bref, Julio Vasquez a créé deux accessoires. L'un d'entre eux réunit les deux Joy-Con en un seul ensemble, plat, tandis que l'autre les fixe à angle droit, 90 degrés, donc pour que vos doigts tombent juste sur les boutons. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces deux accessoires-là peuvent être imprimés en 3D et les plans sont publiés sur la page Thingiverse de son créateur, donc vous pouvez vous-même vous en fabriquer un. Allez voir la vidéo, qui est vraiment cool, sur assemblagerequis.com. Sympathique, même pour les gens qui ont deux mains. Parlant de mains, une autre façon de faire de la musique avec des anneaux connectés. Si certaines personnes ont la faculté d'associer des couleurs avec les sons, on parle de synesthésie il y a quelques semaines, et de les voir réellement, ces anneaux connectés promettent l'inverse, associer un son avec une couleur, de sorte que l'utilisateur puisse jouer de la musique sur n'importe quelle surface de son environnement avec une couleur qui équivaut à une note. Grâce à l'application, les possibilités sont infinies. Vous choisissez le son, le type d'instrument et c'est parti. Vous allez pouvoir créer de A à Z vos morceaux et tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un ou de plusieurs de ces anneaux, des bagues et d'un smartphone pour gérer l'application. Des anneaux intelligents qui s'appellent Speak Drums sont en cours de financement sur la plateforme Kickstarter. Le financement est pas mal atteint. Vous pouvez commander un anneau Speak Drums à partir de $39 US. Encore une fois, il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ils ont dépassé, cool! Ils sont rendus à 90 000 sur 15 000 avec 1009 contributeurs en date d'aujourd'hui. Il reste encore 14 jours si vous êtes le 31 août. Ça vous dit d'aller mettre de l'argent là-dessus, pourquoi pas? Ensuite, on parle tout le temps d'objets qui ne devraient peut-être pas être intelligents ou de produits qu'on soupçonnerait pas qui pourraient être intelligents un jour, comme le hula hoop. Oui, le hula hoop, le cerceau qu'on se met autour de la taille, est révolutionné, nomade et connecté. Ça s'appelle le voop. Donc le hula hoop est un exercice très très vieux. Depuis bien longtemps, il a entamé une sorte de mue et une nouvelle étape en ce sens pourrait être franchie avec Voop, un cerceau connecté pour quelques jours encore sur Kickstarter. Donc certains objets connectés ne servent pas franchement à grand chose, d'autres se révèlent extrêmement bien pensés et utiles, nous dit Uber Gizmo. Voop remet au goût du jour le hula hoop, une pratique souvent associée aux enfants dans les cours d'école. Pourtant, depuis quelques années, il est perçu comme une activité de fitness de premier plan. Facilement transportable car démontable en 8 morceaux, arrangé dans un petit sac, ajustable, 4 poids sont vendus avec le cerceau. Voop est aussi et surtout connecté en Bluetooth à votre téléphone. Avec ses nombreux capteurs, vous aurez ainsi accès à de nombreuses informations sur votre activité, à votre historique et même à un classement avec d'autres utilisateurs. Pour faire progresser et améliorer votre technique, Voop intègre aussi un coach et vous ne devriez pas avoir à vous soucier de l'autonomie puisqu'avec une seule charge de 90 minutes, vous allez avoir droit à 15 jours d'utilisation. Voop a déjà atteint son objectif sur Kickstarter et ça va vous coûter $69 US plus $30 de livraison à l'international pour le kit complet. Cerceau, 4 poids, câble USB et sacoche de transport. Et les premières livraisons s'en viennent, comme bien d'autres produits aujourd'hui, en décembre 2017. Toujours sur Kickstarter, un adaptateur ultra pratique pour faire le tour du monde. Pour les gens qui voyagent, ce projet pourrait vous intéresser. Donc, quel voyageur s'est jamais retrouvé confronté à des fiches électriques étranges? On a tous vu ça, des drôles de... Voyons, non, vous mettez ça dans le mur, c'est tout croche, cette affaire-là, des diagonales, des cylindres, ouais. Donc, ce moment où on se rend compte qu'on n'a pas pris le bon adaptateur, que c'est l'Australien qu'on a alors que c'est l'Américain qu'on aurait besoin, ou peu importe, l'Européen, de différentes façons. Donc, voilà. Vos engins électroniques ne pourront plus fonctionner si vous n'avez pas les bons adaptateurs. Vous pouvez dire au revoir à ce type de mauvaise situation avec un projet d'adaptateur tout en un, compatible dans plus de 150 pays. C'est conçu par une équipe de jeunes entrepreneurs qui a été étudié. Donc, le projet pourrait être parfaitement sécurisé en toutes circonstances par rapport au voltage. Le projet est déjà financé sur Kickstarter. Preuve que ça séduit bien des gens. On peut précommander ça avec un micro-adaptateur avec une livraison prévue. Devinez quand? En décembre 2017. Il va y avoir une avalanche de produits en décembre 2017. C'est pour Noël. Ensuite, adieu les hand spinners et bonjour aux finger led balls. De finger led balls aurait vraiment une traduction que je vais m'empêcher de faire avec notre grand public de jeunes enfants l'été. Donc après la folie des hand spinners, voici ce qui devrait être la nouvelle sensation des cours de récréation et des open spaces, les finger led balls. À la fois joueur anti-stress et relaxant, les finger led balls permettent également de tester la dextérité des doigts en réalisant des figures et pourquoi pas en défiant son entourage. Un jeu de dextérité anti-stress aux combinaisons de figures sans fin. Chaque boule dispose d'une LED, une lumière LED permettant de réaliser des figures lumineuses du plus bel effet. Longueur d'environ 25 cm, 4 coloris, rouge, jaune, bleu et vert. Attention à ne pas vous blesser parce que ça pourrait casser un écran, c'est des balles assez lourdes quand même. Donc un gadget qui pourrait vraiment être gossant, ça rappelle plein de choses là. Des balles qu'on utilise des fois pour d'autres choses que ça. C'est des billes. Avec des cordes dessus. Ensuite, j'en avais un dernier, je crois, oui, c'est ça, c'est la fourchette et les bâtons, les baguettes chinoises, oui, mélangées avec une fourchette en même temps. Si vous avez de la difficulté à devenir maître de l'art des bâtonnets, oui, des baguettes chinoises, alors il vous faut les All-in-One Bamboo Chopsticks and Fork. Donc, c'est un ustensile réutilisable qui permet de pratiquer vos baguettes chinoises tout en mangeant avec votre fourchette. Quand vous avez de la difficulté, en fait, vous pouvez juste revirer de bord et il y a une fourchette. Donc, on comprend qu'il y a d'un côté fourchette. Après ça, ça devient un petit genre de tronc. Et après ça, les baguettes. Et tout ce que tu as à faire, c'est clink, clink, clink. Tu n'as pas besoin de rien tenir de façon vraiment fancy. Ça tient tout seul parce que c'est pogné après la fourchette. Parfait aussi pour les utilisateurs de baguettes chinoises qui ont de la difficulté à manger la dernière bouchée. Hein? Donc, pas besoin de gaspiller une fourchette de plastique. Pour ça, elle vient avec vos baguettes. C'est parfait. Il manque juste une spork, comme le dit thegreenhead.com. Allez voir sur amazon.com pour en savoir plus sur le All-in-One Bamboo Chopsticks and Fork. Voilà, c'est tout pour ça que ça ne répond là. On a passé à travers, je crois, une vingtaine de gadgets. C'est pas mal ça. On prend une pause. Au retour, non seulement les instructions d'assemblage s'en viennent, si tout va bien, on devrait pouvoir parler à Tania Baudin en direct du CAPS de l'UQTR. Assez. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours à Assemblage requis pour la semaine du 28 août 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être avec nous plus tard à l'émission. On attend toujours de ses nouvelles. Elle est au CAPS en ce jeudi 31 août pour la journée d'accueil des nouveaux étudiants. Donc, on devrait lui parler tout à l'heure via téléphone. Avant ça, par contre, comme j'ai dit au début de l'émission, j'ai envie de retourner un petit peu plus en arrière de nos palmarès là, parce que les palmarès sont vraiment très peu présents pendant l'été. Donc, on tourne en rond un petit peu. Donc, on retourne à une pièce de Joujou. C'est le nom de l'artiste. Voici Wandering à Assemblage requis. comme dans c'est dommage chou. Tout ça. Avec Wondering, Assemblage Rocky. Justement, parlant de Wondering, ceux qui se demandent se posent la question, mais Yous, quelle est Tanias Baudens? Eh bien, elle est avec nous via téléphone. Salut, Tania Baudens. Salut, Mathieu Plante, ça va bien? Ça va, c'est cool de t'avoir. T'es en direct du CAPS en ce moment? Oui, exactement. C'est la journée d'accueil des nouveaux étudiants. Alors, c'est fou. Le Zone Campus avait un kiosque là-bas. Wow! On est dans le CAPS, là. Il y a vraiment beaucoup de monde. OK, cool. Ils sont nombreux, hein? Je les ai vus partir, Tania. C'est même pas vrai. T'es en studio avec nous. Salut! De quoi tu parles? Mousse menteuse! Mais je vous jure qu'il y a exactement 5 minutes, j'étais là. Ouais, on avait dit qu'on ferait la chronique au téléphone, alors on a commencé comme d'habitude. On est là. Exactement. Est au téléphone, c'est ça. Donc, salut Tania. Allô? Bon retour à toi. Ça n'a pas été long. Finalement, t'as juste perdu pendant quoi? 50 minutes? Exactement. On était vraiment du côté du CAPS de l'université, là, sachez-le, parce que c'est la journée d'intégration des nouveaux étudiants. Il y avait vraiment beaucoup de gens. On était là aussi l'année dernière et je dois dire que je crois que le niveau de participation a monté cette année. Ah, tant mieux, c'est bon. Les gens venaient chercher des petits papiers pour faire des projets, des trucs. Exactement. Comme ça. Parler de la programmation. On a présenté le Zone Campus aussi. On a fait aussi tirer 10 paires de billets pour le dernier match des Aigles ce soir. Hey, il annonce beau, hein. J'étais persuadé, étant donné la mauvaise saison des Aigles, que ça allait finir avec un orage sur le dernier match. Ça aurait été comme le comble. Mais non, on annonce une très belle soirée. Les gens, ça va être la foule. Il va sûrement y avoir au-dessus de 2000 personnes ce soir. Bien, soirée qui va être aussi pour Sifu une première sur la terrasse. Donc, pour nous, ça va être une première. Mais vous n'avez pas le donné. C'est ça, exactement. Mais on a fait des heureux pareil avec tous les nouveaux étudiants qui étaient là. Des hot dogs. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait à manger au CAPS? Est-ce qu'il y avait des petits popcorn. Wraps? Popcorn. Wow. OK. Ça fait hot dog. Rap. Il y avait des popcorn l'année maintenant. Passée? Il y avait des hot dogs l'année plusieurs passée? Plusieurs années, c'était des hot dogs. Ça a descendu à des wraps pour faire plus santé, puis ça a descendu à du popcorn. Cool. Oui. Exactement. C'est du popcorn tout à l'heure. Mais c'est bon, là. J'ai rien contre le popcorn. Mais non, moi non plus. Mais non. Mais. L'année prochaine, des cubes de glace. Glace lodge. Du pain tranché et brun. Exactement. Bref, cool, t'as du plaisir. Le kiosque avait l'air de quoi? C'était le fun, c'était attirant? Oui, c'était très le fun. On a réussi aussi à faire un petit peu de promo pour le show de la rentrée, qui est la semaine prochaine, avec Canaille, Foreign Diplomats et aussi les Cowboys Fringants. Alors, on a reçu beaucoup d'intérêt des nouveaux étudiants à être là. On a reçu la question aussi, est-ce que ça prend un billet automatiquement? Comment ça fonctionne? Bien, je tiens à vous le répéter, si vous êtes soit nouveau étudiant ou que vous n'êtes pas étudiant tout court, sachez que c'est gratuit pour les employés et les étudiants à condition que vous ayez votre carte avec vous, qu'on va devoir scanner, sinon ça vous prend un billet. Et faites pas comme moi quand j'ai raconté en début d'émission que je suis arrivé pour prendre l'autobus et j'ai montré ma carte de crédit. Ça marche pas comme ça. Oui, non, c'est pas... Ça non. Donc, t'as dit aussi le Zone Campus qui recommence vers la fin du mois de septembre. On y va avec un horaire modifié. Vous allez voir, ça va sortir bientôt. Il n'y a pas encore de détails qui sont officiels là-dessus. Nous aussi, je ne sais pas si tu en as parlé Mathieu. Non, c'est pas encore signé. Je peux pas voler signé. De punch, exactement. Ça. Beaucoup de changements cet automne. Autant assez fou qu'au Zone Campus. C'est pas du changement pour changer. Non, améliorer les choses. Il y en a beaucoup aussi qui a eu lieu durant l'été dans les locaux. Absolument, le bruit était là constamment. Exactement. Ouais. C'était bien. Ouais. Bref, beaucoup de changements, mais de bons changements. Vous allez aimer la formule qu'on va avoir cet automne et au journal et à la radio, on l'espère. Merci, Tania, d'avoir couru, en fait, du CAP jusqu'à ici. Ça fait plaisir. Bon. C'est vraiment ça que j'ai fait, sachez-le. Ouais. J'ai dû piquer une run à travers des nouveaux étudiants qui s'en allaient visiter leur nouveau campus. Ben oui. Et ça semblait s'être bien déroulé jusqu'à présent. C'est tien aussi, ton campus. T'es rendu nouvellement de retour étudiante. Oui, ben oui. On a dit la même chose l'année passée, mais là, ça va terminer, là, hein, c'est ça? Tu vas le faire au complet. Là. Exactement, mais à temps partiel, parce que, bon, on continue l'emploi régulier. Mm-hmm. On peut pas se permettre de pas avoir d'emploi régulier. Absolument pas. De mon côté. Alors. Du côté de pas mal tout le monde. C'est ça. On le fait à temps partiel. Cool. Ben, bonne chance là-dedans. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire en quoi? Certainement, en communication. Oui. J'ai étudié en radio puis en télévision, mais je voulais tout simplement avoir mon bac universitaire en communication. Tu fais bien, les gens vont te croiser, vont dire « Hey, t'es Tania Baudens! » Oui, je tiens à dire qu'il y a un groupe qui se sont fait présenter à moi tout à l'heure. Wow. Merci au guide dont j'ai de la difficulté avec les noms des gens. Je crois que c'est JP son nom. Ah. Je me souviens plus trop. Qui est aussi portier à la chasse-galerie. Ah oui. Alors, salutations aux nouveaux étudiants de ce groupe-là. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer en tant que madame de Radio C'est Fou. Absolument. Justement, parlant de JP, on va aller saluer son frère Junior au poulet. Oui. Ben Junior, tu te rappelles la chanson Extra Lucide? Tout à fait. Je ressors des vieux classiques des Pommages. Ben oui, je vois ça, hein. Tout à Assemblage Requis. Ça, c'est fou. 89.1, famille. Et extra lucide à Assemblage Requis. C'est le moment de prendre une petite pause. Au retour, les instructions d'assemblage. Tania, on sait que t'aimes ça savoir. Oui. T'aimes ça te faire dire quoi faire. Ben, j'aime ça avoir des nouveaux trucs pour comment bien fonctionner dans la vie. J'aime mieux cette explication que t'aimes ça te faire dire quoi faire. Pourtant, des petites formes de contraire, ouais, c'est ça. J'aime vraiment pas ça. C'est une germaine, pas mal. Je suis pas germaine, non? Vraiment loin de là, mais il n'y a pas à me dire que j'ai tort. OK. Moi, je dis rien de plus. On... Ouais, c'est ça. On va en pause, puis on vient. C'est fou, 89. Bonjour à Assemblage Requis pour la semaine du 28 août 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais c'est notre dernière de la saison aujourd'hui. Oui, sachez-le. Oui. Parce que là, on est comme encore en format estival. Oui, les jeudis après-midi, entre 14h et 17h. Exactement. On vient de dire que la rentrée débutait aujourd'hui pour plusieurs étudiants. Qu'est-ce qui se passe de notre côté? De notre côté, pour l'instant, pas grand-chose, non. C'est ça. On commence seulement le 11 septembre. Exactement. Donc, on va commencer une semaine complète à partir du 11 septembre. On va être du lundi au jeudi. D'ici là, il va y avoir des rediffusions dans la la case horaire du matin. Ne vous en faites pas pour ça. La case horaire du jeudi après-midi, ça reste encore déterminé parce que techniquement, C'est Fou termine sa programmation ce dimanche 3 septembre. Donc, en tant que tel, on n'a pas vraiment besoin de la remplir, la case, mais on va sûrement finir par la remplir avec quelque chose de toute façon. Probablement. On est fin de même. Ben oui. On est fin de même. Et, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, on n'a pas encore annoncé notre grande nouvelle par rapport à Assemblage Rocky et au panorama C'est Fou. Et je pense même qu'on va continuer de ne pas le dire parce qu'on ne l'a pas encore annoncé à nos chroniqueurs. Oui, c'est vrai. On est supposé faire ça tantôt. T'as bien raison. Au match des aigles. Oui, exactement. Fait que là, ça nous c'est comme une surprise. On est un petit peu mal à l'aise parce que là, on l'a pas dit à personne en ondes et on n'est pas là la semaine prochaine pour vous le dire. C'est ça. On va faire quoi? On va l'annoncer à la fin de l'émission. Exactement. Ça va être juste avant de se rendre aux aigles, fait que les gens vont être déjà en route. Fait que on va pas briser le punch à personne. C'est le fun, ça? C'est merveilleux. On fait ça à la fin de l'émission, faut pas l'oublier. Mm-hmm. Pas oublier ça. Mais non. OK. Bref, maintenant, Tania, c'est le moment de se dire quoi faire, oui. Autre oui. que dis rien. OK. Dis rien. C'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Instructions d'assemblage, la chronique où on se donne des conseils de vie, ça veut pas dire qu'il faut les suivre, mais on se les donne, puis on fait ce qu'on veut avec après. Hein? Exactement. Petit conseil de cuisine pour commencer, pour faire des patates rôties un petit peu plus croustillantes, il faut les brasser pas mal à l'avant. Ah ouais? Donc faire bouillir vos patates avec du sel ou du vinaigre avant de les faire rôtir peut aider à les rendre plus croustillantes. Mais il y a encore une meilleure façon, et il faut du bicarbonate de soude. De soude, oh. Oui. Selon J. Kenji Lopez Alt, c'est son nom. Ah, oh, très beau nom. C'est comme c'est après les la droite alternative là, c'est ça. C'est le Lopez alternatif. chez Serious Eats, donc on dit qu'on devrait utiliser des, bon, si on utilise des patates Yukon Gold comme des fois on utilise des rossettes là, comme on appelle ça, russet, des patates rouges, peu importe, donc c'est parfait pour les faire rôtir. On les tranche. Et après ça, on va les brusquer un petit peu en les faisant bouillir dans de l'eau alcaline. Après ça, on va ajouter une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude environ. Ça dit à deux quarts d'eau. C'est pas des tasses, des quarts. Hein. Est-ce que tu peux me faire la conversion entre deux quarts et des tasses, s'il te plaît, sur deux Google? Deux quarts? Ouais. De tasses. En tasses. Non, c'est deux quarts. C'est une mesure américaine, je crois. Two quarts in cups. Convert. Et on fait bouillir ça, on ajoute des patates et on réduit ça à un petit feu. Ça équivaut à 7,5 coupes. Coupes, c'est des tasses. Des tasses, exactement. Donc, excusez, cup. Parfait, merci. Donc, on réduit ça à un petit feu et après ça, on fait cuire pendant environ 5 minutes. Une fois que c'est cuit, les patates vont être tendres et l'eau alcaline va avoir défait la pectine de l'extérieur de la patate. Donc, elles vont être couvertes. Ça va être couverte de petites textures. Et puis, ça va devenir super croustillant quand on va faire rôtir ça dans le four. Ça a l'air excellent. Petit conseil de cuisine comme ça. J'ai vu ça passer, puis bon, je connaissais pas. Hein. Ensuite, on se fait un petit sac à dos à partir de sacs de IKEA. Oh, d'accord. Tu sais que c'est la mode, les sacs d'IKEA, et on s'en met de manteaux, de bottes, de, je pense, de sous-vêtements, brassières, peu importe. Donc, les sacs à 2$ chez IKEA, près du comptoir, sont presque indestructibles et sont parfaits pour à peu près n'importe quoi, que ce soit lourd, léger ou peu importe. Et bien maintenant, il y a San Diego Mitch qui a acheté 3 sacs, qui les a hackés et qui s'est fait lui-même son propre sac à dos. Donc San Diego Mitch note que les sacs sont faits pour tenir jusqu'à 55 livres de contenu et en ajoutant quelques pièces d'un morceau, quelques morceaux d'un ancien sac à dos et du tissu. Il a planifié son petit design qu'on peut aller voir d'ailleurs, le plan est sur assemblagerequis.com. Il a cousu tout ça ensemble, il a fait le devant et le derrière du sac qui viennent d'un seul morceau. Donc c'est vraiment bien fait. Et puis vous allez avoir les mêmes bandoulières là, sur les épaules et tout ça. Pour lui, il dit que le coût total du sac à dos, c'est environ 30$ avec les matériaux additionnels qu'il a achetés à part. Donc San Diego Mitch, les instructions My IKEA Backpack sur sandiegomitch.com ou sinon assemblagerequis.com. Ensuite de ça, si vous êtes un non-fumeur qui fume seulement une fois de temps en temps, ben Colin, ça veut pas dire que c'est mieux pour votre santé, ça. Ben non, c'est sûr que non. Ça veut pas dire. Donc, une nouvelle étude publiée par JAMA Internal Medicine montre que les gens qui fument en moyenne seulement une cigarette par jour avaient quand même 64% des chances de mourir plus tôt que les autres comparé aux non-fumeurs. Ce qui ajoute à toutes les recherches, bien sûr, autour de ça, que même fumer un petit peu, c'est mauvais pour vous. Même si vous êtes un fumeur très, très, très léger, Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas à risque, mais vous l'êtes. Donc, c'est une étude de 2009 sur les étudiants universitaires qui nous apprend que la moitié des étudiants qui avaient fumé dans les 30 derniers jours avaient répondu non à la question « Êtes-vous fumeur? » Ah, OK. C'est drôle quand même, hein? Il avait fumé dans les 30 derniers jours, tu réponds oui, mais non, eux, ils se considèrent pas comme des fumeurs parce qu'ils fument juste socialement, t'sais. OK. Une autre étude australienne nous apprend que les fumeurs occasionnels ou sociaux, elles n'étaient pas intéressées à arrêter. Plusieurs pensaient qu'ils avaient déjà arrêté, en fait, vu qu'ils fument seulement socialement. Pour eux, c'était comme de dire qu'ils avaient arrêté de fumer, hein? Donc, arrêter de fumer, ça peut réduire les risques, comme on dit, de mortalité plus tôt que prévu. Donc, dans la nouvelle étude, les gens qui ont arrêté leur habitude de cigarette avant l'âge de 50 ans voyaient leur risque de mort anticipé, voilà, descendre de 64% à 44%. C'est quand même fort. Donc, ils ont demandé, en fait, à des personnes âgées leurs habitudes de cigarette plus tard dans leur vie. La plupart des participants avaient entre 60 et 80 ans et étaient blancs. Les chercheurs nous disent que les résultats reflétaient les habitudes des gens nés entre les années 1930 et 1940. Cela étant dit, les vrais effets secondaires de la cigarette pourraient être encore pires que ce qu'on pensait, étant donné que certains des fumeurs de cette époque-là sont peut-être morts trop jeunes pour pouvoir participer à l'étude. C'est ça le principe de la chose. Donc, vous pouvez en lire un petit peu plus sur assemblagerequis.com. Ensuite de ça, les troubles de la mémoire. Est-ce que des fois, est-ce que ta mémoire à long terme, à court terme, à moyen terme, à pas de temps... Fait défaut, genre? Genre, fait défaut, ça arrive-tu? Ça arrive souvent. Tout le temps, quel genre de problème de mémoire que t'as? J'ai de la difficulté à me rappeler, par exemple, quelque chose de vraiment stupide que je dois faire. Oui, ben oui. Tu sais, quelque chose de banal, là. Comme, par exemple, sortir le recyclage. Je te jure, c'est pas quelque chose que je dis « Ah, je le ferai pas », c'est « J'oublie littéralement de le faire ». Mais au moins, t'oublies pas les choses vraiment importantes, comme mettons, si tu te rappelles à tous les jours quand t'as une émission de radio. Oui, quand même. Comme ça, c'est parce que ça fait partie de mon quotidien, tu sais. La routine. Exactement. Quand on change de case horaire, là, c'est difficile. C'est ça. Ce qui arrive fréquemment. Ah, c'est oui. Donc, c'est autant. Oui, donc, tout le monde... manquez pas ça. Manquez pas ça. Tout le monde oublie des choses. Ça peut arriver où on oublie nos clés, on oublie les noms des gens, on oublie d'aller acheter telle affaire au magasin. Ça arrive tout le temps. Donc, selon le docteur Thomas Wisniewski, le directeur du centre en anglais Center for Cognitive Neurology au centre médical NYU Langone Medical Center, oublier des choses mineures est parfaitement normal comme perte de mémoire. En fait, c'est absolument normal d'oublier quelqu'un, oublier les clés de la porte dans votre porte. Mais le docteur Wisniewski a expliqué au New York Times qu'il y a des choses plus sérieuses là-dedans. C'est une chose d'oublier où t'as laissé tes clés, mais ça pourrait devenir plus sérieux si tu sais pas à quoi servent telle ou telle clé ou comment te servir de ces clés-là. C'est là que ça devient problématique. Ou encore, te perdre dans des endroits qui sont familiers, ça devient un signe avant-coureur de problèmes un petit peu plus sérieux. Anne Norwich, directrice du... dans un programme à York College, peu importe, suggère que donner aux objets des noms différents peut être un autre signe de quelque chose de sérieux. Par exemple, tu vas dire que le courrier est dans le four au lieu de dire que le courrier est dans la boîte aux lettres ou sur le comptoir, quelque chose comme ça. Quand tu commences à faire des mauvaises associations, ça peut devenir un signe, par exemple, de démence. Ah, donc, attention pour vrai? À ces choses-là, oui. Oh. Donc, maintenant, vous le savez. Ensuite, 6 principes d'étiquette. Étiquette comme dans avoir une bonne étiquette, on comprend ce que c'est. Oui, exactement. Que tu devrais connaître avant un gros party dans ta compagnie, par exemple. Exemple, je sais pas, mettons, votre compagnie organise, je sais pas, une soirée de baseball aux aigles, mettons. Oui, ce mettons. Soir, 31 août, mettons. Mettons. Dernier match de saison. Oui, c'est ça. Donc, bref, les gros événements corporatifs, les parties des fêtes, sinon. Il y a tout plein de petites nourritures, là, tu sais, des amuse-bouches que tu prends avec tes doigts, comme ça. Boissons gratuites, tu peux avoir à la fois un petit peu si tu bois trop. Donc, c'est des conseils pour rester classe. Rester, garder ta bonne réputation. Voilà. Oui, OK. Une heure et demie de sommeil, je te dis. Oui, c'est ça. Donc, lâche pas, Mathieu. Merci. T'es capable. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Zagat, Z-A-G-A-T. Trois experts en événements de Hotel Rivington à New York City, dans New York. Donc, un capitaine des événements spéciaux, Curran Booker, c'est son nom. Directrice des événements, Anna Wagner, et d'autres, d'autres personnes, peu importe, nous parlent des choses à faire et à ne pas faire lors d'événements spéciaux et de parties de travail. Mm-hmm. Donc, on va y aller point par point et on va voir ce qu'on en pense. Ça va, ça? Oui. Donc, on salue les gens qui font des visites. Absolument. Qui sont juste à côté de nos studios présentement. Peut-être qu'ils vont pouvoir profiter de nos conseils. Peut-être. Sur les parties, on va ouvrir la porte puis faire le party puis les inviter. Exactement. Bref. Mais chose qu'on ne fera pas. Non. On vous aime beaucoup, là, mais... C'était des blagues. C'est ça. Donc, il faut connaître sa commande avant d'aller au bar. Un bon conseil, peu importe ce que tu bois, quand t'arrives au bar, t'es pas pour arriver, surtout quand il y a beaucoup de personnes, arriver au comptoir, faire, tu sais, tendre ton argent, je vais te prendre... Ça, c'est... Ça, là. Ça, c'est quoi l'affaire que l'autre... Ça, là, tu sais, là... Ça goûte les... C'est jaune. Ça peut sucrer. Un peu... Ça marche pas du tout. Un peu acidulé. Un citron. Ensuite, si un pot à type, à pourboire, évidemment, oui. De laisser du pourboire. S'il vous plaît. Si on dit, en fait, de mettre un gros pourboire au début de la soirée pour pas avoir à y penser trop par après. J'ai déjà fait ça. Il leur marque. Mais tu vois, ce genre de soirée-là, c'est tout le temps la soirée où tu finis par être le moins avantagé en termes de ce que t'as donné en type versus ce que t'as bu. Ou j'avoue. Le service. C'est vrai. Si tu fais à la fin, tu sais tu l'as déjà vu. Donné. C'est vrai. Ensuite de ça, on dit de ne pas crier après ton serveur pour avoir des hors-d'œuvre. Tu sais, quand il livre sur les petites assiettes, non, genre, peu importe. Et ils disent de ne pas rester debout près de la personne qui te sert ça à l'entrée en attendant qu'il passe pour avoir quelque chose de nouveau. Attendez qu'il vienne à vous, même si vous avez vraiment faim. Attendez qu'il vienne à vous. Bon. Pas fou. Ensuite, on dit de ne pas prendre plus de hors-d'œuvre à la fois. Donc, prenez quelque chose, mangez-le et ensuite prenez une petite serviette. Pas besoin de mettre votre verre en quelque part. En fait, on dit de garder vos deux mains, juste une affaire à manger dans la main et l'autre, le verre, tout va bien. Et c'est à peu près ça. Voilà. Ça dit, en fait, si l'affaire que vous mangez vient avec un petit cure-dent, qu'on peut mettre le cure-dent sur une surface plane ou dans la poubelle. S'il n'y a pas de poubelle partout, tu peux le mettre sur une table. Les gens vont finir par faire une petite pile de cure-dent. Apparemment. C'est ce qu'ils disent. Oh mon Dieu. Une surface plane, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, on dit de ne pas commander de shooter lors de bars ouverts, surtout dans un événement corporatif. Ben non, parce que t'as l'air de. D'un Soulon. D'un sauvage. C'est pas mal ça. Va te prendre 14 shooters! Yeah! Dans ton suspect de travail. C'est ça. Est-ce que c'est gratuit ce soir, l'alcool? Tu l'alcool? Je pourrais pas te dire. J'ai comme âge. Je crois que oui. Qu'est-ce que comme amuse-bouche? Je ne pourrais te dire, Mathieu. On est au courant de rien, nous autres. Exactement. On travaille même pas ici. Mais non. Vous êtes qui, vous? On a été remplacés par les gens dans le corridor, tantôt. C'est ça, exactement. On dit de ne pas s'installer au bar ou à la table de buffet. Évidemment, c'est ce qui va bloquer les autres gens de commander de la nourriture ou de l'alcool. Prenez quelque chose à boire, à manger et ensuite retournez en ligne, en fil, si vous voulez quelque chose de plus. Voilà. Mm-hmm. Évidemment, on dit de savoir comment agir et de s'habiller correctement et de parler aux bonnes personnes. Voilà. Ensuite de ça, on dit que planifier votre fin de semaine au complet, ça la rend moins intéressante, moins amusante. Es-tu surprise de ça? Est-ce que tu es du genre à prévoir très à l'avance ta fin de semaine? Ça dépend. Ouais. Ça dépend si je la travaille. Oh! Ou si je suis en congé. Huh! Okay. Parce que je te dirais, si je travaille, je la planifie d'avance. Ok. Si tu travailles, pas si tu le travailles. Non. Oh mon Dieu. Si je travaille. Ok, j'ai mal compris. Je la planifie vraiment beaucoup d'avance. Tu sais, comme par exemple, entre telle heure et telle heure, je vais faire ça. Mais si je travaille pas, chose qui est vraiment très rare, ça va commencer à s'atténuer de plus en plus. Je vais être un petit peu plus. Ok, je vais faire ça cette journée-là, mais je sais pas trop à quelle heure. Ouais, tu le fly. C'est ça. Bref, justement, c'est de ça qu'on parle dans l'article. On dit que faire un itinéraire minute par minute de votre fin de semaine a peut-être l'air d'une bonne façon de profiter le plus possible de vos journées de congé, mais en fait, une étude récente nous apprend que ça rend le tout un petit peu moins amusant. C'est une étude menée par Céline Malcock. OK. Céline Malcock. Professeur assistant en marketing à l'Ohio State University, publié dans le Journal of Marketing Research, ça nous suggère en fait qu'avoir un horaire strict pour la fin de semaine, même si c'est rempli complètement de trucs amusants, va te donner l'impression de travailler sur ta fin de semaine, tu comprends? Ouh, d'accord. Donc pendant 13 expériences différentes, Malcock et ses collègues ont découvert que les itinéraires de fin de semaine rendaient des événements amusants, on parle objectivement amusants, beaucoup moins amusants pour les participants. Trop de planification à l'avance, ça fait évidemment que ça ressemble à du travail. Sortir avec vos amis soudainement devient un rendez-vous qu'il faut absolument tenir. On suggère que la meilleure façon de profiter le plus possible de votre fin de semaine, c'est de faire des plans ouverts, un peu comme t'as dit, en quelque part samedi ou en quelque part en fin de semaine. Et ensuite, tu rends les plans plus concrets plus la journée avance. Comme ça, ben, t'as l'impression d'avoir la liberté autour de ta fin de semaine. Ouais. On l'aime. Ensuite, on va complètement dans un autre domaine avec des boîtes de tic-tac. C'est cool, des boîtes de tic-tac? Ouais. En fait, je trouve pas ça super cool. Moi, je préfère les boîtes qui font pas un million de bruit quand tu marches. Oui, je suis d'accord. Clac, à un moment donné. C'est ça. Ce qui est le pire, c'est les boîtes en métal. Et je peux presque imaginer le son. Ah. Oui, c'est vrai, hein? C'est une bonne imitation quand même, là. C'est un petit peu fâchant. Vraiment, là, c'est pas le fun. Mais bref. Ça gosse. Ça a absolument rien à voir avec ce qu'on dit. On prend des boîtes de tic-tac et on les change en aimant pour le réfrigérateur Et en plus, on peut mettre des affaires dedans. Vraiment cool, hein? Donc, l'humble petite boîte de Tic Tac peut servir bien longtemps après avoir fini vos délicieuses menthes. Sa grandeur, son format, sa façon d'être, sa raison d'être, oui, est parfaite pour le réutiliser. Réutiliser cette boîte-là en petite boîte qui est pendue à votre frigo. C'est une utilisatrice de Instructables, un site d'instruction, vous l'aurez deviné, Monica Bansal, qui nous montre que c'est très, très simple. On a besoin simplement d'étiquettes style tableau. Tu sais, les étiquettes qu'on peut écrire à la craie dessus. OK, oui. Et des bandes magnétiques adhésives. Oh. Ainsi que, bien sûr, des boîtes de tic-tac vides. Vous allez nettoyer avec peu importe le produit que vous utilisez pour enlever l'autocollant qu'il y a sur la boîte de tic-tac. Vous allez coller l'étiquette tableau à l'avant. Vous allez utiliser la bande magnétique à l'arrière, bande adhésive. Et juste comme ça, vous allez avoir dorénavant un aimant en boîte de tic-tac. C'est excellent pour mettre des épices, entre autres. Donc, vous pourriez mettre à peu près n'importe quoi, des trombones, des trucs de bureau, comme ça. Et puis, les étiquettes tableau, évidemment, vous permettent de changer ça facilement. Ça pourrait être d'autres choses aussi. Vous pourriez avoir des étiquettes normales, mais dans ce but-là, de pouvoir les changer, les réutiliser, c'est magique. Voilà. Toujours, évidemment, le lien sur assemblagerequis.com. Si vous voulez les instructions, oui. C'est assez simple quand même. Hein, sachez-le. Pas besoin de grande étape. Ensuite, celui-là me rend triste un petit peu. Est-ce que t'as déjà perdu un animal de compagnie? Va pas trop dans les détails, ça me fait pleurer. C'est assez. J'ai plusieurs fois. Pas besoin de... Plusieurs. Dis-moi pas c'est quel animal. Dis-moi pas son nom, surtout. Okay. Deux chiens. Oh. Une perruche. Moins grave. C'est moins grave. Bref, un chat. Ça me semble que c'est une perruche. Justement. Il me semble que j'avais une perruche, je l'ai perdue. Mais je me souviens pas si c'était une perruche. C'était peut-être une truite, on sait pas. Il s'appelait Tourpiou. Tourpiou? Ouais, parce qu'il faisait tout le temps un... Comment? Je peux pas le refaire. Non. On dirait que je viens de perdre toute ma crédibilité que j'ai essayé de gagner après année après année. Elle va se prendre des shooters au bar. Puis là, je viens de faire le son d'une d'une perruche en radio. C'était parfait. Merci beaucoup. Bref, on la salue, ta perruche qui va un jour revenir peut-être. On va essayer de ramener un chat que t'aurais potentiellement peut-être perdu avec sa litière usagée. Okay. Ça a l'air wash du même. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Mais ça fonctionne apparemment. Si un chat s'est déjà enfui de la maison, vous savez que c'est bien sûr vraiment triste et vraiment dérangeant. À part mettre des petites pancartes, affichettes, peu importe, qui vont devenir toutes mouillées avec la pluie, puis qu'on va pas finalement, on va finir par plus voir l'animal dessus, ou encore parler à vos voisins. Il y a quelques trucs pour les ramener, entre autres, de mettre de la litière usagée à votre chat à l'extérieur. Ça vient d'un utilisateur de Reddit et de plusieurs groupes de rescousse de sauvetage animalier. Par exemple, la SPCA du Northern Virginia, c'est la Virginie du Nord ou le Nord de la Virginie? Peu importe. Mettez la nourriture et l'eau près du point où le chat s'est échappé. Mm-hmm. Ou sinon, près d'une belle cachette que votre chat aime beaucoup. Utilisez de la nourriture en canne que votre chat aime, que votre chat va pouvoir sentir de loin pour qu'il sache où aller parce qu'il y a de la nourriture. Évidemment, si vos voisins font la même chose, c'est pas nécessairement là pour vous aider, ça. Ouais, c'est ça. Hein? On dit aussi, comme je disais, de mettre la litière du chat près à l'extérieur pour attirer votre chat. Donc, PetMD, un site web, dit que c'est la solution. Ajoutant aussi un sentier de litière. Ça a l'air vraiment bizarre du même. Ouais. Un sentier de litière près de chez vous pour que le chat puisse sentir et revenir à la maison. Pour vrai, je l'espère énormément pour vous si votre chat s'est enfui. Je pourrais même pas imaginer ça. Ensuite, c'était dark, là, trop loin. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va changer complètement de sujet avec des chandelles. Pourquoi est-ce qu'on devrait couper le bout de la petite tige de votre chandelle? Je l'ai déjà su. Avant chaque fois que tu l'as fait. Puis je me souviens pas. Ouais, non. C'est pas tout simplement pour qu'elle puisse rester allumée plus longtemps? En fait, c'est chez Business Insider. Un ancien employé d'une compagnie de chandelles Yankee Candle a partagé quelques petits tuyaux. Et un des conseils les plus utiles, c'est de couper entre 1/8 et 1/4 de pouce de long. Pourquoi? En fait, on dit que ça va éviter les anneaux autour du pot, les anneaux de cire brûlée. OK. C'est ça? Ouais, exactement ça. On peut utiliser des ciseaux, des coupe-ongles, sinon des outils qui sont faits exprès pour couper des chandelles. Et puis, ça va vous donner une lumière plus éclatante et ça va mieux fondre. Wow! Donc, plein d'avantages à faire ça. Ben ouais. Je savais pas ça. Moi non plus. Ça dit que des tiges qui ne sont pas coupées, on va avoir plus tendance à faire une forme style champignon en creusant dans la chandelle. Ce qui va obscurcir la flamme une fois que ça va descendre. Pas pire, hein? Maintenant, t'es au courant. C'est ça. T'es au courant. Ensuite, on va utiliser des paniers qui s'empilent pour empêcher les vêtements, en fait, pour empêcher les vêtements de s'accumuler dans la salle de bain ou peu importe où vous accumulez votre linge sale. Oui. On s'entend. Donc, c'est une vidéo de Nonna's Driscoll chez Get Organized Already. Donc, c'est rempli de petits trucs d'organisation qui vont vous aider, en fait, dans la cuisine ou dans la salle de bain ou peu importe. Un petit truc qui s'est démarqué pour les gens de chez Lifehacker.com, c'est d'utiliser des paniers empilables pour le lavage, les vêtements sales. Lorsqu'on enlève... Lorsque tu vas enlever un panier pour transporter tes vêtements, il va te rester un autre panier en dessous pour mettre tes vêtements sales. Donc, tu vas pas les mettre dans le coin parce que tu avais juste un panier, tu comprends? Oui, quand tu vas faire ton lavage, il te reste un autre panier. Oui. Tu le pitches pas sur la chaise. Non, c'est vrai. Tu vas tout le temps avoir un panier qui va être en rotation avec les autres. Petit truc qui est dans la vidéo sur assemblagerequis.com, quand même assez courte vidéo. Assez simple. Donc, l'idée, c'est que ça va empêcher de faire des piles de vêtements. Tu vas juste donc prendre le panier d'en haut, transporter, tu vas aller au panier d'en bas. Une bonne idée quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, pas si pire. Ensuite, ça me fait penser parlant de litière. Tantôt, tu connais la litière, c'est Loup, je crois. Je crois que c'est L-U-U-P. Je ne pourrais pas te dire que je connais très bien la litière, considérant le fait que je n'ai point de chat. Je te l'explique, Tania. Je sais qu'on n'est pas dans 5 semaines, ça devrait pas là. Mais c'est une litière qui est très, très jolie en passant, comme ça. Et est-ce qu'on voit la vidéo? Écoute, non? Je me baignerais dedans. T'es drôle, là. T'es drôle. Donc, c'est... c'est trois petits bacs à litière, OK? Oui. Qui sont empilés un par-dessus l'autre. Et quand tu veux vider ta litière, t'as juste à prendre le panier d'en haut. OK. Le brasser. Tout passe dans les petites lanières. Ah. Et tu jettes ça dans la poubelle. Et puis tu remets le panier en dessous. OK. Puis ça fait que ta litière est tout le temps propre. Et t'as pas besoin de gratter le fond avec une cuillère. Ah! Ah, ben c'est bien. C'est très bien. C'est bon, très bien. J'ai réussi même à convaincre Tania. Ah, écoute, et là, il y a quelqu'un qui me chatte sur le site. Est-ce que je peux vous aider? En fait, regarde-moi ça. Okay. Le site, c'est loup.com, L-U-U-P.com. Le chat, là, quand tu arrives sur le site, il te demande « How? Hi? How can I help you right meow? » Oh, mon Dieu. Right meow. Et je suis convaincu, maître. C'est-tu vrai? Je te jure. Je vais me passer de tout commentaire. Ah, ça allait bien jusque-là. J'aurais pas dû ambitionner. C'est ça, exactement. T'as tout compris. Est-ce que tu te considères approchable? Oui. Ou air bête. Approchable. J'ai des amis qui sont air bêtes, là, et... Par comparaison, je crois que je suis approchable. On la salue, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est une blague. Donc, c'est pas vrai. Non. Mais personne ne sait de qui je parle. On n'a pas mentionné son nom. Exactement. Donc, devenez plus approchable. Ils savent au moins. Oui. C'est ça. Donc, devenez plus approchable en n'étant pas toujours aussi pressé, Tania. OK. Je pense que c'est un conseil qui s'adresse peut-être à toi, côté être tout le temps pressé. On s'entend? Je suis pas souvent pressée. Je suis tout le temps occupée. C'est ça veut dire la même chose. C'est tout le temps en train d'aller à quelque part pour faire quelque chose. Bon. Ça nuit à ma vie personnelle. Voilà, on le salue. Merci. On salue beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais. C'est fou. Donc, ses histoires. C'est ça. Le charisme. Oui. Et likability, c'est quoi? L'amabilité, si on veut. Ouais. Ce sont des choses assez importantes. Ça donne l'impression aux gens qui peuvent t'approcher. Personne n'est confortable, évidemment, à approcher quelqu'un qui a toujours l'air pressé à faire quelque chose d'autre. Hein? Tu veux être approchable et chill. Donc, c'est le site de conseil The Muse qui nous dit qu'être toujours pressé donne l'impression que c'est le défaut. Pas le défaut, mais le mode par défaut de ta personne. Donc, ça peut être repoussant un peu pour les gens qui aimeraient te parler. Ça mène à des connexions manquées. Dans le sens de gens qui auraient pu t'approcher puis tu aurais pu perdre des opportunités d'emploi ou peu importe, amitié, amour, hein, peu importe, des opportunités, donc en général, et ça donne l'impression que t'es pas approchable, donc c'est à peu près ça. Faites juste pas avoir l'air tout le temps aussi pressé. Le conseil dit pas grand chose de plus que ça. C'est facile à dire, tu sais. Oui. Mais bon, ils disent qu'une façon. Mais c'est pas tout à fait facile, hein. C'est ça. Une des façons simples, nous dit-on, est de ralentir, tu sais, comme si on savait pas. Ah, waouh, merci. Hey, merci. Donc, quelle idée. Essayez, forcez-vous d'avoir des conversations, nous dit-on. Hein? Et on dit aussi de se forcer de ne pas. Moi, je sais. Je trouve ça difficile quand même de se forcer à avoir une conversation. Si la personne devant toi est déjà à la base pas intéressante, pourquoi est-ce que je voudrais me forcer à avoir une conversation avec cette personne-là? Je suis d'accord avec toi. Elle devrait se forcer à être intéressante. Mais tu peux aussi choisir la personne avec qui tu vas parler. Certainement, ça je suis d'accord avec toi. Parler. C'est vrai. On va pas juste ouvrir la porte, parler aux gens dans le corridor. Même quoi si que sont là, on pourrait le faire. Sont très fins. C'est ça, exactement. Bref, on dit que prenez le temps de ne pas planifier chaque minute, comme on a dit tantôt. Oui. Ensuite de ça, la musique pour programmer des sites web, programmer des logiciels, programmer, faire du dessin, peu importe, du travail intense qui demande du focus, il y a un site qui s'appelle Music for Programming, qui est dans le fond des playlists très tranquilles qui sont faites pour vous aider à focusser. Oh, d'accord. C'est bon d'avoir la bonne musique. Est-ce que tu écoutes de la musique en travaillant sur ton émission, les chroniques, peu importe? Souvent, oui, très très souvent. J'ai essayé de le faire une fois. J'étais trop dedans, ça m'a déconcentré. J'étais obligé de mettre juste du bruit de fond, vraiment pas fort, parce que sinon je suis pas capable de faire ça. Ah ouais? Ouais. OK. Bref, Music for Programming, c'est un petit outil en ligne avec des playlists qui durent une heure. C'est de la musique sans voix, c'est fait pour vous faire focusser. On peut aller sur... C'est comme des bruits d'oiseaux. Pas nécessairement, je peux t'en faire entendre un petit peu. Je crois que si je clique sur... Est-ce que je peux cliquer dessus? Où es-tu, petit lien? Je vais continuer l'article pendant que je cherche. Donc, ça contient 44 pièces qui sont faites pour être jouées à l'arrière-plan pendant que tu fais de la programmation ou peu importe. Et le site explique que son but était de faire une playlist qui se déguiserait comme du bruit de fond tout en étant stimulant quand même. Donc, ça change de ce qu'on peut entendre sur Pandora ou Spotify. On va cliquer sur tiens, une petite chanson de même. Et normalement, ça devrait... Ça, c'est les oiseaux. Ça, c'est de la musique de fond. Attention. Swing, swing. Play. Ouh. Drone, si on veut. Ouais. C'est ça qu'on appelle du drone. Drone de vidéo. Donc, il y a des artistes comme Essa Ruo, Lackluster, qui est ce qu'on entend en ce moment, qu'on entend. Mais je trouve pas ça très, très calmant. Mais imagine-toi en train de travailler, là. C'est pas fort en arrière, là, tu sais, on peut le baisser un petit peu, là, tu sais. Ouais, mais ça va me gosser, je pense. Tu penses? On va essayer une autre voir, OK? Il y a une horloge dedans, là. Oui. Ça me taperait ses dents. Non? C'est tout? Ça a arrêté tout okay. Ça. On n'a pas un très bon Internet. Oui, bon. Ouais, OK. Ça peut être écoutable. Ouais, ça existe. Il y en a plein, là. T'as vu, on a écouté juste deux styles, c'était complètement différent l'un de l'autre. Exactement. Voilà. Ensuite de ça, en passant, le site, c'est musicforprogramming.net, si ça vous intéresse. Ensuite, on va apprendre des façons de dire bonjour aux gens de différents pays dans le monde avant votre prochain voyage ou encore pour accueillir des étudiants qui viennent d'arriver à l'université. C'est vrai, quand même, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent étudier à l'UQTR. On les salue. Mm-hmm. Donc, dire bonjour, les accueille comme tu l'as vécu au CAPS tout à l'heure. Ça dépend de la culture. Et si tu voyages, tu veux pas te faire prendre par surprise. C'est le New York Times qui a un guide très utile de comment dire bonjour dans différents pays. En Amérique du Nord, on est habitué à donner une poignée de main ou un petit câlin, mais dans plusieurs cultures... S'embrasser, c'est la chose qu'on fait. Oui. Et l'embrassade va être différente d'un pays à un autre. C'est vrai. Dépendant le nombre de joues que les gens ont dans ces pays. Non. Qui te donnent. Oui, gauche, droite, gauche, peu importe. Donc, dans l'Amérique latine, l'Europe et le Moyen-Orient, faire des baisers dans les airs, le air kissing entre les étrangers, c'est commun. Mais chaque nation et dans certains cas, chaque région dans un pays peuvent avoir leurs propres habitudes. En Argentine, les hommes vont se baiser les joues, mais seulement s'ils sont amis ou des amis d'amis. Hmm? OK. Dans le monde arabe, un double baiser dans les airs est obligatoire, mais seulement par les gens du même sexe. Oh! Au Portugal, les embrassades, embrasser avec la bouche, là, ça va faire de gauche à droite, alors qu'à Strasbourg, en France, c'est à droite puis à gauche. Ah. Au Japon, on connaît le petit salut penché par en avant. L'article explique que la plupart du nord de l'Europe, s'accueillent soit avec une poignée de main ou un simple baiser, juste un seul. Donc, c'est un petit guide facile à comprendre. Allez voir l'article du New York Times sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu as tendance à t'abonner à tout plein de lettres de nouvelles, des infolettres, des newsletters? Un peu. Est-ce que tu cliques la boîte, là, genre « oui, j'aimerais avoir plus d'informations » là? Parfois. Ça m'arrive aussi. J'ai choisi mes sites internet. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'important. Exactement. Parce que quand tu reçois des lettres que tu n'as pas physiquement demandées, c'est insultant. Ben, je trouve ça gossant, surtout. J'aurais sûrement coché « oui » si tu me l'avais demandé, mais là, tu ne me l'avais pas demandé puis tu me mets pareil dessus. Exactement. C'est triste, non? Bref. Ça s'appelle... Tu sais que ça vient encombrant? Encombrant. Ça prend de la place. Hein? Exactement. Bon, on n'aime pas ça. C'est long à classer. Donc, c'est un service qui s'appelle Kill the Newsletter qui convertit vos infolettres en fil RSS. Fil RSS pour des logiciels de capture de nouvelles, pour pouvoir lire ça sur votre téléphone, peu importe. Donc, si vous êtes une personne qui utilise les RSS, c'est pas tout le monde, bien sûr, et que vous n'aimez pas recevoir des infolettres par les courriels, vous pouvez les convertir avec Kill the Newsletter qui va créer une fausse adresse courriel pour vous et ensuite va créer un fil RSS pour votre lettre de nouvelles et ça va envoyer donc les courriels qui vont être envoyés à cette fausse adresse-là. Dans le fond, c'est une adresse qui est faite juste pour le service. Là. Les courriels qui vont être envoyés à cette adresse-là vont être convertis en fil RSS pour pouvoir le lire dans un logiciel comme moi j'utilise Reader, mais il y en a plein d'autres là, pour accumuler toutes vos nouvelles sur le même logiciel. C'est super pratique. J'ai oublié de dire l'adresse. Hein. C'est Kill the Newsletter et on retrouve ça sur Kill, trait d'union, the TradunionNewsletter.com. Ah, mon Dieu. OK. J'attendais que ça l'eau, là, c'est un oui, petit c'est ça. Ensuite, les bas de laine et les bas d'entraînement ne sont pas antibactériens. Ils vont seulement cacher les odeurs. Tu dis souvent, bon, à crème, tu sais, c'est des bas qui sont faits pour ouais. s'entraîner. Fait que j'ai pas de trouble, je sentirai pas les pieds. C'est pas vrai? Ça ne fait que cacher les odeurs et les odeurs vont revenir plus tard, oui. La laine, c'est très bon pour des bas et pour des vêtements d'entraînement pour une tonne de raisons, dont le fait qu'ils vont rester au chaud même lorsqu'ils sont mouillés. Bonus, on peut porter des bas de laine pour plusieurs entraînements sans que ça pue. Mais finalement, la raison, c'est pas celle que vous pensez. La laine ne tue pas les bactéries, ça fait que cacher les odeurs. La lanoline... j'imagine que c'est la lanoline, ça sonne ouais, mieux que sûrement. Le c'est une substance huileuse que les moutons fabriquent à partir des glandes de leur corps. Et ça a des propriétés antibactériennes, mais lorsque la laine est lavée et ensuite traitée pour faire ces très très doux et très très chers vêtements de laine, la lanoline est partie depuis longtemps. À la place, les fibres vont capturer les trucs chimiques qui puent là, de votre sueur. Mm-hmm. Bref, ça veut dire que tout ce que vous utilisez qui est en laine va recommencer à sentir mauvais éventuellement. Donc, il faut quand même laver fréquemment. Il y a plusieurs mythes par rapport à la laine qui sont aussi dans l'article sur l'assemblagerequis.com, mais tout ce que vous avez à retenir, c'est de les laver une fois de temps en temps, tant qu'ils puent pas, c'est correct. Hein? C'est vrai. De toute façon, vous les portez juste pour vous entraîner. Si vous mettez ça bout à bout là, pendant une semaine, ça fait même pas 0 minute et 0 seconde. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va essayer de classer nos vêtements. Ça t'arrive, j'imagine, d'avoir des vêtements que tu portes jamais. Oui. Et tu dis tout le temps, j'ai pas de vêtements. Oui. C'est ça. Donc, force-toi à porter des vêtements dans la catégorie des peut-être lorsque tu veux faire du ménage dans ton garde-robe. OK. Si tu essaies de vider un petit peu ta garde-robe pour peut-être donner, je sais pas, aux victimes de l'ouragan Harvey ou peu importe, tu vas finir par avoir des articles de vêtements que tu aimerais garder, des affaires que tu voudrais jeter et des choses qui sont entre les deux avant de décider. Porter ses vêtements peut-être une fois. Hein? La catégorie des peut-être. C'est vrai. C'est cool. Non, c'est Marlon Comar chez Apartment Therapy qui nous suggère d'essayer de porter les vêtements qui sont dans la catégorie du milieu au moins une fois, peut-être même plusieurs fois, et peut-être que ça va soit te donner envie de le porter plus souvent ou te donner envie de complètement t'en débarrasser parce que t'aimes pas ça, ce vêtement-là. Oh. Et si t'es pas sûr après, quand t'es pas sûr, si ouais. t'en veux pas, qu'on a c'est pas besoin, donc donne-le. Hein? Ensuite, deux choses qu'on peut faire pour éviter les douleurs de genoux. Tania, t'es rendue maintenant au quart de vie. Ça? Oui, je suis rendue à un quart de siècle. Je suis rendue un petit peu plus loin que ça. Oui. Hein? On appelle ça le tiers de vie, je pense. Un petit peu. Je commence à avoir mal aux genoux. Ça va venir toi aussi. Des fois, je me vire pour m'asseoir maintenant dans l'autobus ou peu importe. Je fais juste me tourner de bord puis je me fais tourner le genou. Oh mon Dieu. C'est pas le fun, ça. Donc, des choses qu'on peut faire pour éviter les douleurs aux genoux lorsqu'on court. Okay. Donc, si tes genoux ont mal à chaque fois que tu cours, quelque chose ne va pas. Malheureusement, il y a quelques conseils pour empêcher la douleur dans le futur. C'est une vidéo de chez Tech Insider, c'est une chaîne YouTube. Donc, le coach de course et l'ancien Olympien, John Henwood, nous explique que ce qui cause les douleurs aux genoux pour les coureurs, en fait, c'est une question de comment tes genoux bougent. La plupart de la douleur est causée par le tight iliotibial band. Ça a certainement un nom en français, mais ça m'intéresse peu. Oui, c'est donc, c'est un muscle stabilisant. C'est un muscle, oui, stabilisant qui devient faible à l'intérieur de ta cuisse. Et ça ne permet pas à ton genou de s'asseoir correctement dans son socle. Donc, pour éviter la douleur, on a besoin de renforcer? Ouais. Ouais, les muscles de stabilisation des genoux, des fois avec un Stairmaster ou une elliptique, des trucs comme ça. Donc, Henwood nous recommande d'aller nager parce que ça aide à renforcer les muscles aussi. Et avant de courir, on doit s'assurer de s'étirer, bien sûr. Hein? Pas choix, pas choix. Donc, c'est ça, c'est des conseils. On recommande de courir entre 3 et 4 jours par semaine, faire du cross training et du strength training. 2 à 3 jours par semaine et s'assurer de toujours au moins prendre une journée de congé, c'est pas un problème pour moi, j'en prends 7 par semaine et ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, les genoux, faut en prendre soin. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce prochain-là, on va passer rapidement dessus, ça me fait un petit peu magazine comme truc, là, mais de la gomme dans les cheveux, ça arrive même à notre âge. Ça arrive des oui. fois que, sans faire par exprès, quelqu'un cache une gomme dans les cheveux. Ça pourrait arriver. C'est quoi le conseil que t'as entendu de la mayonnaise? J'en ai pas entendu, je vais t'avouer. Non, je sais pas, moi je prendrais un pot de Miracle Whip parce que je veux dire, c'est bon pas mal plus les cheveux que sur du pain. Tu mettrais ça dans les cheveux? Ben j'ai pas le choix, si j'avais de la gomme dans les cheveux, je veux pas me raser. Mais c'est pas ça le conseil en fait c'est de... tire dessus. Non, tu vas perdre une touffe. Ah. Oh. Don't lose the tooth. Ouais, c'est, j'avoue. Donc, on utilise en fait, c'est la chaîne YouTube Clean My Space, Melissa Maker, qui nous montre quelques façons d'utiliser de l'huile de noix de coco raffinée. Une façon super facile donc d'enlever le chewing-gum de vos cheveux. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre une petite cuillerée de cette huile-là et de la masser dans les cheveux autour de la gomme. La gomme va devenir toute glissante et va perdre sa force d'agrippement. okay. pour pouvoir vraiment tirer dessus. Du beurre d'arachide, pardon, et du beurre normal fonctionne aussi, mais de l'huile de notre coco raffinée, c'est en fait aussi un bon revitalisant conditionneur, qu'on appelle les fonds d'anglais, oui. pour vos cheveux. Donc, non seulement est-ce que la gomme va s'en aller, mais en plus, vos cheveux vont être super doux. Donc, loose the tooth. Et on continue avec votre éthique au travail. Okay. Des fois, l'éthique au travail peut être quelque chose de touché. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on dit qu'on devrait, en fait, se créer une éthique au travail en bâtissant ça autour de ta passion. Donc, avoir une bonne éthique au travail, ça veut dire, bon, te présenter à l'heure, faire au moins le travail qu'on te demande, sinon plus, avoir de la motivation, de l'entrain, être proactif, des trucs comme ça. Hein? Bon, tu sais, on connaît tous ce que ça veut dire si tu veux garder un emploi ou en avoir un. Donc, si tu veux être un travailleur dédié ou en tout cas au moins un travailleur apprécié, on devrait toujours commencer sur la base de votre passion. Donc, c'est un site d'affaires qui s'appelle Entrepreneur qui nous raconte que la plupart des gens n'ont pas de difficulté à travailler fort pour des choses qui les passionnent. J'ai pas de la radio, peut-être. OK. Donc, on travaille dans quelque chose qu'on aime, ça commence déjà très bien. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu te présentes à tous les jours et t'as hâte de le faire, et tu vas le faire de ton mieux, même si t'as juste dormi une heure et demie. Oui, c'est vrai. Donc, une excellente façon de commencer à pratiquer une bonne éthique au travail, même si ton travail, en fait, ne te rend pas passionné. Tu peux toujours avoir une passion dans ton travail, même si ton travail te passionne pas. C'est juste une autre sorte de passion, nous dit-on. En fait, c'est une passion pour l'excellence. On dirait un slogan des patriotes. Une passion d'excellence. Oui. Donc, l'excellence, c'est le désir de faire le meilleur travail possible. Peut-être plombier, peut-être aménagement paysager, quelqu'un qui fait de l'aménagement paysager, bref, oui. peu importe. Que t'aimes ton travail ou pas, tu le fais du mieux possible et c'est ça, avoir une éthique de travail. Quand t'as envie de faire de l'effort, voilà. Ensuite, tu vas être en meilleure position, évidemment, pour négocier, si tu veux rester là, une augmentation de salaire, avoir une promotion, améliorer ta capacité à faire ce travail-là et peut-être qu'un jour même que tu vas commencer à aimer ça. C'est vrai. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. On termine avec le chocolat, Tania. D'accord. Quelle sorte de chocolat préfères-tu dans la vie? Noir ou lait blanc? Noir. Noir. Est-ce que ça t'arrive des fois de prendre une barre de chocolat noir puis de coller des traces blanches dessus? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le manges pareil, c'est ça? Ça dépend. Tu liches les traces? Non. Tu donnes des fois, à ton chien. Je vais l'acheter. Tu vas l'acheter? Ouais. Donne pas ça à ton chien, c'est pas correct. Non, je donne pas de chocolat à mon chien. Bref, si des fois t'as une barre de chocolat comme ça, t'as peut-être remarqué le film, un genre de film qui se forme sur le chocolat, ça s'appelle en anglais, on appelle ça du bloom. OK. Bloom. Et ça arrive lorsque le chocolat n'est pas bien rangé. Selon Cook's Illustrated, le chocolat fait ça lorsqu'il est trop chaud. Ou encore si de l'eau fait condensation sur le chocolat. Donc, le beurre de cacao va faire ça lorsque le chocolat va être mou tellement que, les cristaux de beurre de cacao vont fondre et les molécules de gras vont migrer jusqu'à la surface où ils vont former de nouveaux cristaux. Donc, le sucre va faire ça aussi lorsque l'eau se condense sur le chocolat et ça va se dissoudre. En fait, ça fait dissoudre, oui, un peu de son sucre. Lorsque l'eau s'évapore, une fine couche de sucre de cristaux de sucre reste derrière. Donc, la bonne nouvelle, ce chocolat-là n'est pas gâché, mais ses utilisations sont un petit peu plus limitées. On peut l'utiliser pour le tremper, donc on le fait fondre et on trempe des fruits dedans, peu importe, ça va être parfait. En fait, ça va pas. On va voir quand même les traces de cristaux de sucre dedans, mais ça dérange pas. On peut l'utiliser aussi pour faire des recettes, pour faire des biscuits au sur le chocolat. Ça goûtera pas différent du chocolat brillant habituel. On peut même le manger comme il est, il y a absolument aucun problème. Votre bouche, ça la dérangera pas, c'est pas mauvais pour la santé, c'est juste moins beau, mais pour vrai, 100% sans problème, le chocolat avec les petites traces blanche dessus. C'est le fun à savoir. C'est très le fun à savoir, honnêtement, quand parce que c'est rare que tu y penses. Hein? C'est ça, quand tu prends tes chocolats dans des magasins à bord du chocolat pas cher, tu sais, ils en ont souvent des chocolats comme ben ça. Oui, parce qu'ils restent là pour quand même assez longtemps. Genre, prenez pas la première sur le bord, mettons. Ouais. Voilà, c'est tout pour les instructions d'assemblage. Un autre genre de, je sais pas, on a sûrement fait encore un autre 20 conseils. Hein? Probablement, pas oui. C'est pas mal mon standard. Ça joue dans ces alentours-là. Pas mal. On prend une pause et au retour de cette merveilleuse petite pause ultra divertissante, Tania va nous proposer quelque chose. Ouh, que oui. C'est-tu le cas? C'est le cas? Ben oui, c'est le cas. Oh, j'ai hâte. Hey, Tania. Tu me prends pour qui? Hey, je sais pas. Là. Oh, je sais pas. Pour l'écouter. 89.1. êtes toujours à Assemblage Reiki en compagnie de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Oh, OK, oui. Ah, ça va bien. La moitié et plus de l'émission sont déjà terminées. Et c'est déjà vrai? Terminées. Bref, j'accorde mal mes verbes, mais c'est pas grave. ta chronique s'en vient. Est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas nous parler tantôt? Oh, oui. Oh, pas la sûre, mais OK. Oh, oui. Je te fais confiance, moi. Ah ouais? Je te fais confiance. J'espère. Ma vie est entre tes mains, Tania. Tant que ça. Tant que ça. Ben là, j'espère que je vais bien faire ça. J'espère. Oui. Et la barre est haute. Oh. Oh. Mes avancées, on va entendre un autre succès de plus tôt cet été. Comme j'ai dit tout à l'heure, les palmarès en ce moment sont un petit peu inactifs zombie style. Mm-hmm. On a comme trois palmarès dans l'été, ça n'a pas grand-chose. Donc on retourne un petit peu plus tôt que ça pour l'entendre Ty Segall avec Black Magic. On a bien aimé cette pièce-là à l'époque. Donc écoutons-la, cet assemblage requis sur Sifu. The wax is almost dry. I'd like to show you before we say goodbye. It matter at all, 'cause I've got the man who understands me down me most honest. C'était Black Magic, évidemment, de Ty Segall à Assemblage Requis. Maintenant, toujours à l'émission estivale en pièces détachées, qui se fait de moins en moins estivale en ce moment, en tout cas. Peut-être que vous, lors d'une rediffusion quelconque, vous êtes super ensoleillé. Peut-être. Nous, en ce moment, on se trouve un petit peu plate. Un petit peu plate. Hey, le temps est frisqué. C'est le moment de parler avec Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do ta-ta-ta-ta-ta. Et elle retourne à l'école. Fait qu'elle va décoller encore plus. Donc, Tania, j'ai entendu dire à travers les branches. Oui. Qu'il y avait des abeilles entre les branches. Entre oui. Ces petites branches. En effet. Elle buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Mais on parle pas juste de ça, tu vas voir. Ouh. OK, oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu le temps de l'année où on sait plus trop quoi faire. Mm-hmm. Parce que, je vous explique. OK. Le soleil commence à se coucher quand même assez tôt. Je viens de le dire. Il fait frisquet. Je viens de le dire. C'est pas mal le temps où on sait pas trop si on est sur la fin de l'été ou si on est déjà pas en automne. Ouais. C'est pas la meilleure période de l'année. Exactement, et ça rend les activités un petit peu différentes. Maussade, des fois. Maussade. Et j'ai comme le goût de changer cette modestie. T'as pas envie de faire que du cocooning du mois de septembre. Non, c'est ça, parce que c'est plate. Puis vient un temps où on a du temps pour nous durant les fins de semaine. Ce qui va arriver, là, prochainement. Ce que je souhaite, ça s'en vient. Ce que j'espère. Et c'est un petit peu le temps parfait aussi pour faire des activités extérieures sans que ça soit trop chaud, ouais. Sans que ça soit trop froid. Pas trop d'insectes non plus. Pas trop d'insectes. C'est ce qu'on adore, en fait. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps le temps d'avoir durant la pleine saison d'été ou quand il commence vraiment à faire extrêmement froid. Puis là, on se dit, OK, il fait beaucoup trop froid. Je suis pas une personne d'extérieur en plein hiver. Je suis pas du genre à skier. Je suis pas du genre à me les geler à l'extérieur. Donc là, vraiment, c'est le temps, là, fin août, début septembre jusqu'à la mi-septembre, de se dire... C'est la température, mettons, idéale. Puis parfois, il fait soleil, il fait beau. Donc, on y va pour ça. Mais j'ai goût de vous dire de pas juste faire les activités qui sont sensiblement... Faciles. Mainstream. Oui, mainstream. Populaire. Voilà, ouais. Tu sais, la cueillette de pommes, là. Ouais. Votre chum, il veut pas y aller. Tu sais... La plupart. On peut-tu se le dire? Puis... Quand ça fait déjà trois fois que t'es allé aux pommes en deux semaines, hein? Ben c'est correct, là. Fais-toi des tartes. Là. Des compotes. T'sais, c'est platounet. Fait que j'ai d'autres options pour vous aujourd'hui. Oui. En fait, je veux commencer tout ça en parlant un petit peu de hiking. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu la température idéale pour aller faire justement du hiking. De la randonnée pédestre. Exactement, pour faire de la randonnée. Et on a de très beaux endroits au Québec, sans qu'on ait besoin d'aller ailleurs. Je parle aussi nécessairement du Parc national d'Amauricy. Je pense qu'il n'y a pas d'autres nécessairement endroits qu'on peut... penser en disant que c'est une très belle place pour aller marcher. Faites attention. Par contre, le réseau cellulaire ne pogne pas dans le Parc national d'Amauricy. Donc, faites attention quand vous partez comme ça en randonnée pendant une journée. Assurez-vous que tout va bien se passer et que personne ne va avoir un malaise. C'est ça, que tout le monde est au courant que vous êtes là. Exactement. Moi, je vendrais ça comme un point positif là, qu'il n'y ait pas de réseau cellulaire là-bas. Oui, si tu veux décrocher, il ne faut pas que tu aies un réseau cellulaire. C'est ça. Moi, je trouve que c'est parfait. Un des endroits que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance d'aller descendre plutôt que de monter, parce que sachez que c'est chose possible. Et c'est aussi une chose qui fait travailler des muscles différents que lorsque vous allez monter une montagne, c'est de la descendre. Ça va travailler des muscles qui vont être différents. Donc, un endroit que j'adore, c'est le Parc national du Mont-Tremblant. Mmh. Et on commence là, les changements de couleur du côté de Mont-Tremblant. Tremblant dans les arbres. Le shaking mount, c'est comme on l'appelle en anglais. Oui, justement. Mont-Tremblant, tu sais. Justement, on est sur la fin de l'été, début de l'automne, donc ça commence à jouer dans les couleurs des arbres et c'est aussi un temps qui n'est pas nécessairement très touristique parce que tu te dis que, bon, c'est justement, tu es entre deux saisons, la saison n'a pas, et ça n'est pas son hype encore, alors il n'y aura pas trop de tourisme autour de toi, ça ne sera pas trop déplaisant de te dire que tu vas aller descendre une montagne puis qu'il va être 142 000 à descendre la même montagne que toi en même temps. Donc, de ce côté-là, il y a 6 grandes rivières, il y a 400 lacs, il y a des ruisseaux. Je pense que le parc national du Mont-Tremblant, c'est un véritable paradis, que ce soit pour les gens qui vont faire du canot, que ce soit pour les gens qui vont faire de la randonnée, que ce soit pour les gens qui aiment un petit peu le côté terreux des choses. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts de ce côté-là. Et justement, comme je le disais, les randonnées pédestres, bien, moi, c'est la chose que je préfère faire du côté de Mont-Tremblant parce que, bon, j'ai pas eu encore la chance de faire très beaucoup de canot ou de kayak du côté de Mont-Tremblant. Je vais toujours lorsque j'ai un autre événement. Alors, les randonnées pédestres, c'est un petit peu ce qui se fait le mieux entre deux activités qu'on a déjà à l'horaire, par exemple. Et la randonnée pédestre, bien, c'est extrêmement pratiqué du côté de Mont-Tremblant. Il y a déjà des très beaux chemins qui sont faits de ce côté-là. Alors, si jamais ça vous intéresse, le Parc national du Mont-Tremblant, c'est un endroit qui va être différent de celui du Parc national de Mauricie. Quand tu connais par cœur, tu as besoin de variété un peu. Bien, c'est ça. Puis, ça amène aussi une espèce de road trip en une journée qui se fait bien. C'est à quelle distance? C'est 2h45 de Trois-Rivières okay. En voiture. Donc, ça se fait bien quand même. Il y a aussi le Mont-Sainte-Anne du côté de Québec qui se fait aussi très bien. Et ce que j'aime de ce côté-là, quand tu dis que tu vas aller faire un petit peu de randonnée pédestre comme ça, c'est en sortant du Parc national de Mauricie, tu donnes l'opportunité de voir un petit peu autre chose que ta propre ville, que ton propre coin de pays. Et justement, la randonnée pour... ben pas la randonnée pour se rendre là, mais le road trip en voiture peut être très intéressant aussi parce que justement, il n'y a pas seulement les parcs nationaux qui changent de couleur, mais il y a tous les paysages autour de nous qui changent. Donc, c'est ça qui est un petit peu le fun aussi dans tout ça. La couleur des arbres. Oh, exactement. On se dit aussi aller cueillir des citrouilles puis tout ça, mais il vient un temps où que les citrouilles sont pas encore sorties. Mm-hmm. Comme je disais tout à l'heure, les pommes, c'est un peu platounet, ça fait son temps. Qu'est-ce qu'on peut aller visiter qui peut être très intéressant quand même? Eh bien, Dairy Queen, ils ont des citrouilles dans leur blizzard en ce moment. Mais si vous voulez une activité qui est autre que d'aller au Dairy Queen, vous pouvez aller visiter des fermes de bisons au Québec. Ça se fait, sachez-le. Eux, ils font l'élevage de bisons. C'est une ferme agro-touristique. On y offre des repas. Il y a des visites aussi, des champs. Vous allez pouvoir avoir la chance d'acheter de la viande si jamais ça vous intéresse. Et sachez que c'est ouvert à l'année. Donc, il n'y a pas seulement l'été, l'automne, puis ça arrête à l'hiver. Non, c'est vraiment ouvert à l'année. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça va faire durant l'hiver aussi si vous êtes déjà à aimer les activités extérieures d'hiver autres que le patin. Mais je trouve ça le fun parce que une ferme de bison, ça change d'une ferme, par exemple, de moutons ou d'une ferme normale où on va voir des chevaux et tout ça. Bien souvent, à l'automne, on va essayer d'aller faire un petit peu de... je sais pas, d'activités extérieures. Et souvent, les chevaux vont être quelque chose qui est très apprécié à ce sens-ci de l'année. Mais les bisons, c'est pas quelque chose auquel on pense. Puis, c'est différent aussi. On peut prendre de très belles photos. Et il y a une visite guidée avec tout ça. Donc, je trouve ça vraiment bien. Tu peux chanter la petite chanson, le bison du gazon zinzon. Bison du gazon zinzon. Ouais, c'est ça. C'est pas une chanson. Je ne pourrais te dire. Mais c'est une aventure, en fait, un petit peu hors du commun. C'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement tout le temps. Donc, vous pouvez le faire en famille ou vous pouvez le faire aussi entre amis, tout simplement. Et ça va se faire en toute sécurité, sachez-le. Il n'y a pas des bisons qui vont vous attaquer comme ça. C'est sur la route de Saint-Prosper. Donc, exactement où c'est, je veux bien vérifier, là. Mais... C'est à Saint-Prosper, c'est là que ça se passe. On parle d'une terrasse de 70 places, oui. Vous pouvez aussi aller manger, là, il y a un restaurant, donc c'est vraiment le fun. Et c'est différent. C'est ça qu'on cherche à voir, surtout dans ce genre d'activité-là. C'est l'histoire derrière une bisonnière comme ça. Pourquoi est-ce qu'on décide de se lancer dans l'élevage de bisons, autre que, je sais pas moi, l'élevage de poules au Québec? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'intéresse à tout ça. Donc, de nos jours, on prend grand soin des bisons, de l'élevage des bisons, et c'est devenu très populaire apparemment auprès des gens qui sont curieux de justement mieux connaître et mieux comprendre cet animal-là. Avant, on voyait beaucoup les gens visiter les fermes avec des vaches, avec les petits cochons et tout ça, mais c'est ce qui s'est produit pour un jeune couple de la trentaine de Saint-Prosper. On a décidé de se lancer en affaires du côté de la ferme de bisons, de l'élevage de bisons, et ils ont beaucoup de têtes, sachez-le. Si vous allez là, vous n'allez pas voir deux, trois bisons. C'est comme 75 à 400 000 têtes de bison. Là. Wow. Il y a du monde ça à faire. Ça bisonne pas mal. Exactement. Donc, c'est le fun parce que justement, on peut avoir beaucoup. Ils ont au-dessus de 1000 têtes de bison, en fait, juste à Saint-Prosper. Donc, ça rend une journée... différente un petit peu. Ça doit. Disons ça comme ça. Qu'est-ce que ça dit, un bison français qui veut dire bonjour? Tu sais, tantôt, on parlait de dire bonjour. Je sais pas, j'ai peur de... Le bison qui veut dire bonjour, il est français. Bisous, non. Est-ce qu'on fait la bison? Ah. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu venir. Hey, qu'est-ce que je m'en attendais. Qu'est-ce que le show de Philippe Fémieux fait comme... Le show de Philippe Fémieux, qu'est-ce qu'il fait? Le show de Philippe Fémieux, ben, il fait mieux. C'est tout ce que j'ai. Il est tard. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Une heure et demie de sommeil. Mathieu, hein? Une autre activité qu'on peut faire à l'automne. C'est les abeilles, c'est lesquelles les abeilles? Et oui, c'est les abeilles. Enfin. Parce que je dois en parler. C'est une activité que mes parents m'ont fait faire quand j'étais jeune. Tes parents étaient italiens, hein, je pense. Tes mains sont très italiennes. Mes parents, ni mamma mia. Exactement. C'est une activité auquel mes parents nous ont fait participer lorsqu'on était plus jeunes. Mon frère et moi, on a visité une miellerie. Et depuis ce jour, on tripe sur le miel. Ben, puis je sais que tu tripes sur le miel, toi aussi. Le miel qui a déjà cristallisé. Oh, et si tu veux savoir comment ça se passe, tout ça, bien, c'est possible. C'est le temps parfait pour aller visiter, justement, les mielleries. Mais est-ce que tu as goûté au miel cristallisé? Parce que t'avais pas l'air de oui, j'y ai goûté. J'y ai goûté par la suite. C'est toi qui me l'as fait goûter, Mathieu. Oui, ah, par après. T'as goûté au Kraft. Ouais. C'est pas une référence. OK. Achète-en à l'épicerie dans les vrais pots. Là, ah, d'accord. Ouais. Là, je tiens à dire que je cherchais vraiment la miellerie à laquelle mes parents m'avaient amené. Jusqu'à la dernière minute. Et je ne sais vraiment pas si c'est celle-là que j'ai réussi à attraper. Je ne crois pas. Parce que ça se passe du côté près de Sherbrooke, en fait. Et je crois qu'on était du côté des cantons de l'Est. Là. On n'était vraiment pas dans le même coin lorsque ça s'est passé. J'étais très jeune. Mais sachez qu'une miellerie, c'est le fun à visiter. Puis, il y a des visites guidées aussi. On vous explique comment ça se passe. Et on a une chose aussi en 2017 qu'on oublie un petit peu, c'est que parfois, ces petites abeilles-là et ces petits êtres vivants de la faune et tout ça sont importants. Oui, ben oui. Puis, on s'en rend tellement pas compte. Alors, lorsqu'on a la chance de pouvoir aller faire une visite guidée, par exemple, d'une miellerie, bien, ce sont des choses qu'on veut comprendre un petit peu. Et toutes les visites sont guidées là-bas. C'est la miellerie Lune de Miel. Et boy! Même moi, j'aurais pas fait ça. Sachez-le. Donc, c'est possible de le faire du 2 septembre au 15 octobre. Mm. Donc, on est vraiment dans la période où on peut apprécier ce genre d'activité, que ce soit en famille, que ce soit en amis ou que ce soit en couple. Hey, ça change des pommes. Ben oui! Viens, chérie, on s'en va cueillir du miel. Wow! Dites-y ça, voir ce qu'elle va dire. C'est convaincant, vous, du miel. Qui n'aime pas le miel à moins que tu sois allergique? Bien, exactement. Puis, on a tellement de sortes de miel différents qu'on n'est pas nécessairement au courant parce qu'il y a plusieurs, comme je disais, il y a plusieurs sortes de miel qui vont du plus doux au plus corsé. Mm-hmm. Il y a des miels de fleurs de pommier, il y a des miels au pissenlit, il y a des fleurs de trèfle. Et ça va même jusqu'aux fruits, là, de fleurs sauvages, bleuets, sarrasins, framboises. Oh. Donc, vraiment, lorsqu'on décide d'aller visiter une miellerie, c'est un petit peu tout ça qui vient nous rentrer dans le nez. Les odeurs, oh oui. Exactement. Mais c'est le fun de justement se rendre compte qu'au Québec, on a une grande opportunité de diversité dans ce qu'on peut manger et qui, parfois, est tout simplement le plus simple possible. Tu sais, le miel qu'on achète à l'épicerie. Celui en petite forme d'abeille, là. Ben, c'est ça. C'est celui correct. Que tu mets dans ton gruau le matin, ouais. Là, c'est pas le plus capoté. Alors, lorsque tu décides d'aller visiter une miellerie comme ça, bien, ça te donne l'opportunité de pouvoir en goûter d'autres et c'est ça qui est le fun. Excellent. Et ça fait un petit peu aussi comme lorsqu'on visite un vignoble, et là, je m'en vais par là, mais ça fait un petit peu le même genre d'activité. Tu vas bien évidemment visiter un petit peu l'historique de la place. Tu vas en apprendre sur l'historique. Tu vas en apprendre aussi sur les miels, sur les abeilles. Et par la suite, on va te faire goûter des choses. Donc, c'est vraiment la même formule que si on décide d'aller visiter un vignoble. Mais là, on y va un petit peu plus côté gourmand. On y va avec le miel, les abeilles. Et c'est le fun. C'est vraiment... si la température est de votre côté cette journée-là... Ah. C'est one. Hey, je sais pas, j'aurais envie, là. Tu mets sur de la neige, d'habitude, du sirop d'érable, là. Imaginez avec du miel. Oui. Ça doit pas se faire. Je sais pas. Non. J'aurais envie de ça serait J'espérais. Comme... J'espérais. Ouais, ça serait tellement merveilleux. Yeah. Il y a une chose que j'avais pas fait depuis longtemps cette fin de semaine que j'ai eu la chance de faire, c'est d'aller du côté de Québec, mais de revenir par la vieille route. Non? Ce qu'on appelait, du moins dans le temps, la vieille route, c'est-à-dire le chemin du roi, la 138. Mm-hmm. Tu sais, tu prends pas l'autoroute. Tu passes vraiment par les petits chemins. Tu passes... te rallonges de combien de temps avec ça? Je pense que c'est une demi-heure, okay. Même pas. Mais tu vois quelque chose autour. C'est pas simplement de l'autoroute et c'est souvent le fun parce que tu vas découvrir justement des petits villages ou tu vas découvrir des petits endroits sur le bord de la route qui sont très intéressants. Et j'en suis arrivée à prendre une photo du domaine des Trois Moulins qui est du côté de Portneuf, plus précisément du côté de Neuville. Et tout à l'heure, je disais que la miellerie, c'est un petit peu semblable à la visite guidée d'un vignoble. Eh bien, le domaine des Trois Moulins, c'est un vignoble, mais c'est l'unique vignoble dans Portneuf, donc entre Trois-Rivières et Québec. Si jamais ça vous intéresse, ce qui est le fun, justement, quand on décide de faire une activité automnale, un petit peu comme ça, c'est qu'on a la chance de pouvoir rentrer dans notre voiture, faire un petit peu de route sans que ça soit désagréable parce qu'il va faire trop chaud dans la voiture ou il va y avoir trop de monde qui vont chialer ou peu importe. C'est souvent le fun de faire le chemin du roi comme ça. Tu dis, on monte à Québec, mais on va arrêter à quelques endroits sur la 138. T'amènes ton miel. Ouais. Moi, je pense que c'est une activité qui est vraiment le fun à faire, que ce soit en une seule journée ou que ce soit sur deux jours. C'est souvent ça qui est plaisant. Donc, le domaine des Trois Moulins, c'est un vignoble, mais c'est également un lieu archéologique euro-québécois. En fait, c'est à proximité de la rivière Amat, donc un premier moulin à l'eau qui a été construit en 1690. Et par la suite, il y a un moulin à scie qui a vu le jour en 1725, puis un autre en 1768. Donc, si vous vous rendez du côté du domaine des Trois Moulins, vous allez avoir un côté historique par rapport à votre visite guidée qui ne sera pas nécessairement juste par rapport au vin, mais vraiment à tout ce qui s'est passé dans ce coin-là il y a plusieurs années. Et il y a... Bon, vous allez le deviner, il y a trois moulins, bien évidemment, mais il y a du vin, il y a plusieurs vignes de ce côté-là. C'est super beau. Si vous êtes sur la route déjà 138, le chemin du roi, vous allez passer à côté, vous allez voir, là, c'est un petit peu... Ça va en descente un peu et vous avez une grande vue sur les vignes. C'est de toute beauté. Et comme je le disais tout à l'heure, si la météo peut être de votre côté, qu'il fasse un petit peu soleil, mais pas trop, ça fait des photos à couper le souffle. Ah, c'est pour ça que les gens voyagent, pour pouvoir mettre ça sur Instagram. C'est bien sûr à dire, hein, mais une photo, parfois, tu sais, on dit des fois, une image vaut mille mots, mais je pense que de plus en plus, en 2017, une image vaut mille souvenirs aussi. Ah. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir s'en souvenir de plus en plus. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir avoir une photo qui était claire puisque j'étais en voiture. On n'a pas arrêté. Mais le domaine des Trois Moulins, c'est clairement un endroit que je vais visiter dans les prochains mois, justement à ce temps-ci de l'année, parce que ce sera pas désagréable. Et on le sait, dans les vignes, c'est sucré. Donc, les maringouins vont se tenir pas mal souvent aux alentours. À ce moment-ci de l'année, ils sont pas mal partis. Ils sont plus trop là, à moins que ce soit le soir et qu'il y ait des grosses lumières tout autour de vous, là, comme dans un stade de baseball, mettons. mais du côté du domaine des Trois Moulins, ça se fait très bien un après-midi. C'est vraiment pas loin d'ici. C'est approximativement 45 minutes, maximum une heure. Et tu te dis... Ben, let's go. Let's go. On va visiter. J'ai une voiture. On fait le road trip. On revient pour souper, au pire. Ouais. On part vers 11h. On revient vers 6h. C'est quelque chose qui est appréciable. Et surtout, ça va vous amener une belle journée. Voilà. Ah, t'es rempli de belles choses. C'était en fait quelques idées de ce que vous pouvez faire comme activité qui vont changer de la cueillette de pommes, qui vont changer de la cueillette de citrouilles, puis qui vont changer de juste rester sur votre divan à faire du Netflix and chill. Tellement. Une vraie compote de suggestions, c'est bon ça? Avec un petit peu de miel. Oui, c'est ça, exactement. J'ai jamais goûté de la miel. La compote au miel, ça se fait, c'est quelque chose qui existe. J'espère. Faudrait aller visiter la miellerie, Mathieu. Essayons, c'est ça. Donc, Tania qui est rempli de choses sur votre bucket list. Je pense que tu rajoutes à la bucket list des gens. De choses à faire avant la mort. Du moins, j'en ajoute à la mienne. Mm-hmm. Et j'espère que peut-être que la mienne peut vous guider vers la vôtre. Hey, t'es rendu philosophe. C'est fou, hein? Tout ce que tu dis pourrait être sur une tasse ou sur un poster de motivation. T'sais. En 2017, une image vaut mille souvenirs. C'est écoute, tellement beau. Bref, merci Tania. Fait plaisir. Tania is gonna entertain you. On prend une pause. On est dû au retour dans quelques minutes. Ce sera une grosse pointe d'adresse et on est en train de confirmer une invitée spéciale. Ouh! Mm-hmm. Toujours à Assemblage Rock pour la semaine du 28 août 2017. On a laissé les oiseaux chanter plus longtemps. Ils méritent des fois leur petit spotlight. Exactement. Ils aiment ça des fois prendre toute la place. Des vraies têtes enflées des fois ces petits oiseaux-là. Mais il faut qu'ils prennent la place parce que c'est pas mal en dernière semaine. Ah oui! Il y en aura plus après les petits oiseaux. Il n'en a plus. Ben non, ça va être fini. La saison estivale qui se termine pour nous cette semaine. Eh bien ouais. Mais sachez-le, on va être là quand même la semaine prochaine. Oui. En rediffusion. Exactement. Et on a une grosse nouvelle à vous annoncer, mais ça, ce sera à la fin de l'émission. Plus tard. pour l'instant, on va continuer avec notre invité spécial et la chronique Une grosse pointe d'adresse. On s'en va entendre un classique des palmarès C'est fou qui nous a quittés récemment, si je me rappelle bien. Il me semble. C'est un vieux, ça? Non. Un vieux palmarès. Mmh. Ça va jusqu'au 3 septembre. Hey boy. On est encore dedans. Est-ce que c'est la bonne pièce? Je suis pas sûr. C'est laquelle? Probablement Burning Flame. Ben non. Burning Flame. Mais je vais te la trouver, là. OK. Il y en a pas de problème. Vas-y, travaille fort. Franklin Electric. Exactement. On écoute ça. Ouais. Juste ça, stock. Excellent. Juste à le demander, puis ça s'en vient, tu sais. On adore ça. Sur un plateau d'argent, c'est comme un restaurant musical. Merci, Mathieu. Comme un jukebox. Pareil. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. Yeah. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. It's just like searching for the concept that takes you down an old forgotten road. And it's been told, and it leaves you there hopeless, to show you how the water flows. To feel the empty hand of doubt is something like a stepping stone. When my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt fever like a burning flame, where the bright light flickers inside. It's like a burning flame where my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt feeble like a burning flame, where the bright light flickers inside. You've been a charmer, thief with the heart of gold, but you'd be the witness with your eyes, and tell me how to believe when you've been fooled. And you see them there, passengers in the body, hope they feel it too. And the wheels that turn open and keep burning like an old steam train. My heart fell deeper when I felt troubled, when I felt fever like a burning flame. When my heart fell heavy, when I felt troubled, yeah, when I felt deeper than a burning flame. Burning Flame. The Franklin Electric, Assemblage Requis, une entrée récente des Palmarès C'est Fou, n'est-ce pas? Tout à fait. Les Palmarès C'est Fou du mois de juin au mois de novembre, genre? Oui. C'est ça. Ça ressemble à ça, en tout cas. Rappelle-nous les dates des Palmarès, est-ce que tu les as? Oui, je les ai ici devant moi. C'est du 31 juillet au 3 septembre. C'est un long palmarès. Exactement. Ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Maintenant, ça va être le moment d'une grosse pointe à l'adresse. On a des invités spéciaux, mais commençons par notre intro. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on mange un produit du tiroir. C'est-à-dire un produit que j'ai gardé dans mon tiroir pendant quelques semaines, que j'ai acheté en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, peu importe. Quelque chose de malsain, quelque chose de peu recommandable. Et aujourd'hui, pour goûter à notre produit, on a deux invités. Pas un! Deux invités. Il y a des semaines, on n'avait personne. C'est vrai. Tu sais, fait que là, on s'est dit, on va mettre le paquet. Parlant de paquet, David Ferrand est un paquet de troubles. Oh! Ben, merci beaucoup de m'inviter pareil. Ben, merci. Une chance que t'es là. Pour nous divertir? Ben oui, je suis content pareil, même si je suis un paquet de troubles. C'est ça. David Ferron, ben un bon paquet de troubles. C'est un paquet de troubles sympathique, ça te rend attachant. Rédacteur en chef du journal Zone Campus. Oui, puis d'ailleurs, est-ce que je peux en parler un petit peu, mais on... Alors, on va accueillir Marie-Hélène avant, ah, parce oui, que... Si elle, salut! On dirait qu'elle veut pas parler sans avoir été présentée, je la comprends, c'est une professionnelle. Oui. Donc, oui, Marie-Hélène Doyon, qui est chef à la chasse-galerie. Oui, bonjour! Est-ce que t'es chef en chef, on pourrait dire ça? Chef en chef. Chef en chef. Chef au carré, comme on l'appelle. C'est elle qui cuisine les gentils petits plats dont on va pouvoir parler en long et en large tantôt. Oui. Ça va être le fun. Mais pour l'instant, David, tu veux parler du Zone Campus, nouvelle formule qui s'en vient à partir de la fin du mois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se trame pour ça? Pleine de belles surprises. Pleine de belles surprises. Oui, donc ça on va être... On mélange le masculin et le féminin dans le journal. Oui, exactement. Une surprise... N'attends pas l'autre pour cette année. Donc, ça va sortir, la première édition va sortir le 26 septembre, okay. Mais il va déjà avoir des articles dans le blog. Ah. Ça va commencer à partir de la semaine prochaine. Ça va être assez dynamique. On repense aussi un peu à la présentation papier, parce qu'on veut un papier de qualité pour que vous ayez le goût de licher le journal. C'est ça, pour pas qu'il devienne jaune après deux semaines. Non, exactement. Et qu'il vous tâche les doigts pendant trois jours après l'avoir lu. Oui. Ça donne pas tant envie. Exactement, puis on va avoir plus, sans trop en dire, on va avoir dans le format papier plus d'entrevues, plus de reportages de fond. Beaucoup moins de nouvelles temporelles qui sont datées après trois jours de kiosque. Le blog va servir à ça. C'est ça, exactement. C'est cool, donc ça commence le 26 septembre, jusqu'à la fin de l'année, on commence ça, badaboum badabing, oh oui, pour le Zone Campus. Marie-Hélène, de ton oui, côté, oui, la chasse-galerie est toute neuve, toute rafraîchie oui, depuis les dernières semaines. Il y a eu du stock de fait, là. Vraiment. Oui, beaucoup, toute la fin de semaine passée. C'est pas juste de la bouffe, c'est des gicleurs partout pour mettre de la saveur dans oui, les plats. Il manque juste la hotte. C'est ça, c'est de la sriracha qui sort des gicleurs, je pense. Ça serait pas j'ai pas essayé. Il manque juste la hotte parce que pour l'instant, il y aura pas de poutine, j'ai entendu pas dire ça. Pas de poutine, ça, pas de friteuse pour l'instant. Mais... pas de déjeuner complet. Oh, ben justement, si on commence par les déjeuners, vu que t'en parles, on peut bien. C'est nouveau de cette session-ci, David. Oui. Ça va être tous les matins de semaine. Oui, de 8h à 10h30 le matin. Cool, ça fait dans nos horaires, ça, on aime ça. Hein? Qu'est-ce que tu vas nous servir? On a le chasse-matin, qui est typique au... De déjeuner matin de sandwich. Un petit muffin anglais avec et un œuf voilà, du bacon. Mais on peut l'échanger pour un petit bagel de Bagel Saint-Grégoire pour $1 de plus. $1. Sinon, il y a le burrito matin, qui est fromage, ainsi que œuf. Vous avez le choix de bacon ou saucisse. Avec une petite mayo cajun. Ah, c'est cute. On aime ça. T'as pas encore d'option végétarienne, vegan pour ces déjeuners-là? Ou ben oui, ben c'est oui, le LT. Je pose des questions stupides pour le peuple stupide. C'est le LT. C'est une blague. T'es-tu en train de dire que le monde qui nous c'est écoute sont stupides? Je suis le commun des morons, comme on appelle. C'est ça. C'est ça. Fait que le LT. Le LT. Oh, oui, je remarque qu'il n'y a pas de B, donc pas de bacon. Non, pas de bacon. J'en ai assez fait l'année passée. Mais est-ce que c'est un TLT comme tofu? Non, il n'y a pas de tofu. Le c'est le tomate. C'est un LLT, oui, comme avec... dans deux fois plus de laitue. Ah. avec le pain Frida et la mayo vegan. Ouh! Ouh c'est tentant pas mal, hein? Donc, tout ça du lundi au vendredi, de 8h à 10h30, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai bien retenu ça. Génial! Ensuite, continuera le repas du midi, qui, oui. lui, a pas pris de pause pendant l'été, sauf qu'on était un petit peu en mode jour de la marmotte pendant 2-3 mois. C'était le même menu à tous les jours. Oui, mais là, il est nouveau. Là, il est tout neuf depuis cette semaine. Cette semaine. Qu'est-ce qui se passe dans ce menu-là? Des retours, entre autres. OK. OK, page Facebook, Tan, hein? OK, OK. Page Facebook pour avoir... Non, mais I guess, OK? Ouais, mais I guess, mais je vérifie si elle l'a correct. On commence par les retours. Les retours. Il y a le tartare de bœuf qui est de retour. Il y a le bagel saumon, mais il est vraiment refait en meilleur. Ah, puis déjà qui était excellent. Absolument. Il est encore meilleur. Est-ce qu'il y a encore de la guacamole? Dedans, non. Mais lequel qui avait du guacamole? Dans le menu? Oui. C'est le vegan. Ouais. Ah, c'est ça. Il est délicieux. Mmh. Il est vraiment bon. Ouais. Puis c'est ça, là, tu m'as fait skipper. Il y a le croissant jambon. Oui. Fromage suisse. Je l'ai mangé ce midi. Toujours aussi génial. Puis il y a le poke. Le poke bowl. Mais ce n'est plus du saumon. Ah. Non. C'est du thon rouge. OK. Puis c'est pas lui qui est en voie de disparition. OK, je tiens à le dire, là. Ce ouais, n'est pour pas lui. Qu'on se fasse haïr. Lui, il est élevé pour ça. OK. On l'a pas pris 700 livres, 13 000 $. C'est pas lui qu'on a. Si je peux me permettre un gag de zone campus, un gag de cette espèce est en voie de disparition, comme dans on va avoir moins de disparition dans l'année. Oh boy. Bon, mais c'est pour de la qualité. C'est ça. Ben, je le fasse. Moins, mais mieux. Puis t'en restes un? Il m'en reste un? Oh! Oh! Et on a parlé de quoi? La salade fraîcheur! Numéro 2! Encore une version remaniée ou... 2.0. C'est de la roquette au lieu des légumes grillés, mais il y a du bocconcini qui est délicieux. Bien mariné, puis en tout cas, il est bon. Ça se passe à la chasse-galerie, je te le dis, Mathieu. Hein? Vraiment génial. J'ai goûté aussi au truc à la guacamole. Là, oui, on pour les soirs. Oui, les soirs. Donc, passons du midi au soir. Les 5 à 7 qui ont, mais là, complètement changé. Oui, parce que j'ai pas le droit d'utiliser de chaleur. Oui, et donc... comme l'année passée, c'était des rondelles d'oignon frites. Oui. Des bâtonnets de fromage frits. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Nachos. Nachos frits, des trucs... Il y avait la poutine aussi. Poutine. Il a paru cet le été. Le truc, là, avec les... Vas-y, bouge les doigts. Les badjis. Badjis. C'est ça, on n'était pas loin. Pas loin de faire ça. Oui, mais ça va revenir probablement vers octobre. En plus de ce qu'il y a là présentement, dans le menu du soir. On verra ce qu'il peut rester. Mais là, il y a quoi? Ouais. Présentement, il y a la... Faut chercher les noms, là. C'est comme un quiz. Le délice au bacon. OK. Comment? Qui est le délice bacon. OK, j'ai entendu cuisse au bacon, j'étais comme non, quoi? Non, délice bacon, okay. Qui est en fait une mayo, une petite sauce, sirop d'érable, bière rousse et poivre. Wow. Avec croûtons. Il y a aussi du fromage suisse et le bacon mariné maison et cuit maison avec beaucoup d'amour. Wow! Yeah. Puis il y a le... T'as l'assiette de saucisse. Oui, il y a l'assiette de saucisse froide. Ça ressemble à quoi, ça? OK. Je te dirais des saucisses sur une... C'est sur une planche, planche de la chasse-galerie, ben oui. Bien entendu, avec la mayo délicieuse. Puis il y a saucisse Oktoberfest, il y a pomme cheddar, jalapeno cheddar... Ils ont pas mal tout du cheddar dedans. Il y en a 5. Il y a Steakhouse. Ouais. Oui, ils ont tout du cheddar. C'est ça. Mais c'est meilleur. Puis tu peux accompagner le tout d'une bière parce que c'est marqué dans le menu. Oui. Quelle bière peut accompagner le tout? Ah, absolument. On a changé un petit peu le principe. Là. La bière est comme en spécial, mais pas inclus dans le repas. Mm-hmm. Donc avant, c'était comme un genre de tout inclus avec la bière. Là, t'es comme plus obligé de prendre la bière. C'est si je comprends bien, pas mal ça. Ça reviendra. Déjà, ça s'agit. Des quoi? J'ai dit les gens, ça s'agisse. J'ai entendu les gens, ça s'achète. Comme dans, si tu le demandes gentiment, elle va te donner une bière. Oui, c'est ça, exact. Non, je crois pas. Alors, c'est les repas de soir. On a fait le tour de pas mal tous les menus qu'on avait. Guacamole pita. Ah, guacamole pita. Vraiment super bon. Une bonne grosse portion de guacamole avec la crème sure dans un autre petit bol, avec un petit morceau de lime, puis plein de pita tout le tour. Pour vrai, vous allez même pas. Miam. Redemander. Tu manges ça seul, mais c'est ça. T'es bourré. T'es plein. C'est voilà. Mais pourquoi j'ai pas dîné? Ben parce que t'attends notre souper de Sifu. Je pense que c'est pour ça. Donc c'est le repas du matin, du midi et du soir. Oui. Tout ça entre 8h et 10h30. Oui, fait que je suis là 11h Oui, 11h à 14h. Ouais. De 15h30 à 19h30. Voilà, entre là, entre ces temps-là, t'es toujours là, mais oui. On peut prendre des repas pour emporter dans oui. Le frigo, des trucs comme ça. Il y a les boîtes à lunch du midi qu'on garde. Les boîtes à lunch. L'après-midi et le soir. Un petit grill à panini pour remettre ça dans l'état où c'est supposé aller, c'est-à-dire et chaud. Et voilà. Il y a aussi ton service de traiteur, est-ce qu'on en parle un petit peu? Oui, on peut. Parlons-en. Est-ce que je dois tout décrire? Parce que si oui, c'est long, là. Non, mais grand, ça consiste à quoi exactement? C'est pour les cocktails de l'université ou en dehors. Si vous avez, exemple, un souper de famille ou vous cherchez, on est là pour ça. Ah, cool. Oui, dites non à Sodexo. C'est ça le slogan. C'est ça. Dites oui à Marilyn Doyon. C'est ça, exactement. Mais... Traiteur. Non, chasse-galerie. Chasse-galerie, c'est pas traiteur, moi. Je sais. C'est pas moi. Mais ce qui serait le fun, c'est que tu ailles justement encore ton resto à la chasse-galerie, mais aussi que tu remplaces Sodexo par une coopérative. Mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Je ne peux pas parler de Sodexo. Ah, OK. Arrêtez de l'influencer. Excuse-nous. Allez-y, vous, mais moi, je ne peux rien dire. C'est ça. Et nous, les seules fois où on est allé, c'est quand t'étais fermé. Fait qu'on n'est même pas traître. On doit manger, par contre. Et voilà. Mais emportez-vous un lunch la prochaine fois. Hey, ne sous-estime pas ma paresse, s'il te plaît. Et sous-estime pas notre estomac. Moi aussi. Nos estomacs. Hey, imagine, pour qu'on prenne du café pas buvable dans la machine Sodexo. Hein? On n'a pas de contrat avec eux autres, on peut dire n'importe quoi, nous autres. On a le droit. On n'est pas liés par aucune... J'ai pas de contrat avec eux non plus, mais... Bref, en compétition, je peux pas. Marilyn fait d'excellents repas. Absolument, et je vous les conseille, Tania les conseille. On est okay, là oui. Pas mal fréquemment, je te dirais, sinon tous les jours en ce moment. Puis quand tu pars, notre cœur est brisé. Oh, je suis pas rendu là encore. Elle a bien fouetté ses petits employés sous fif, comment on appelle ça, tu sais? Sous-chef. Sous-chef. Sous-chef. Sous-chef. Cuisinier, aide cuisinier. Voilà. Je les ai toutes maintenant. Tu les as je bien suis mis plus jeune. Hey, hein? Wow, c'est rendu sérieux. Vraiment. Bref, merci Marilyn de nous avoir parlé de ton menu de la chasse-galerie juste à côté de nous. Maintenant, c'est le moment de goûter à quelque chose. Wouhou! C'est le moment. David, évidemment, a vu à travers mon sac parce qu'il n'est pas capable de ne pas regarder. Oui. Un peu comme moi, quand quelqu'un laisse ses courriels ouverts dans ma face, ça se peut que je lise un petit peu le début. Peut-être que je prends des photos. Non, pas vrai. Je ferais pas ça. Je ferais jamais ça. Mais non, t'es ben professionnel. Non. Absolument professionnel. Donc, il y a eu un petit peu à travers mon sac. Je me dis peut-être que je vais devoir m'acheter un meilleur sac. Oh! Marilyn a, je crois, entendu. Chips. Un petit peu. Non, j'ai pas entendu. J'ai vu un sac bleu. Ben, c'est ça, c'est que les genre sacs. Des de, Pringles. Les sacs, non, les sacs de métro sont beaucoup trop transparents et déchirent à rien. Mais quand même, une nouvelle saveur. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de nouvelle saveur de Miss Vicky's. À la saveur de parmesan et ail rôti. Oh! Non, ça a l'air bon, ça! Ouais. Donc, évidemment, fabriqué avec soin depuis 1987. Je me rappelle que la dernière fois qu'on avait essayé des Miss Vicky, c'était genre... C'était en 1987. C'est ça. J'étais pas très vieux. Étais-tu née, Tania? Non. Non. Nous deux, oui. Oui. Marilyn, on dira pas. Non. Non, c'est ça. On vous laisse entre jeunes. C'est ça, les jeunes millennials. Hein? Ça mange plus des chips, c'est pas assez date, les chips. Hein, ils mangent ça cru, les patates. Ben oui. Donc, aucun arôme ou colorant artificiel. Le sac est d'un très joli mauve. Ouais, ouais. Quand même, on a comme changé du rouge et du vert qui punchait. Absolument, moi je trouve que c'est un beau mauve. Donc, je trouve qu'il a l'air malade. Là. Oui, c'est un petit peu. Il fait mauve lila, désolé. Elle aime pas le mauve, elle aime pas l'intro de la chronique d'une grosse pointe à l'adresse. Mais je l'aime. Elle sac nos mousses de micro à terre tellement qu'elle les aime pas. C'est terrible. Ça se peut pas, là, ça se peut pas. Incontrôlable. Évidemment, c'est les mêmes textes pas mal tout le temps en arrière du sac. Là, c'est pas grand chose de nouveau. On dit que le tout premier sac de croustilles Miss Vicky's a été produit au Canada en 1987. Et depuis... C'est canadien? Oui. Je savais pas. Nos croustilles sont toujours cuites à la marmite, une petite quantité à la fois à partir de pommes de terre cultivées à la ferme. Nous avons élaboré notre recette avec soin en utilisant des ingrédients simples et de qualité. De plus, notre emballage spécial permet de préserver la texture croquante et le bon goût frais de nos croustilles. Essayez toutes nos saveurs exquises pour vivre un moment de collation unique. Nous espérons que vous en deviendrez des mordus comme nous. Sincèrement, et c'est signé de la main de Miss Vicky. Ouh! Pendant j'ai eu un petit bug avec petite marmite. Ouais, c'est ça. je doute fort bien que ce soit une petite marmite. C'est pas très pratique comme façon de faire des chips. En tout cas, ça doit être fois. Long. C'est ça. Ouais. Ça doit être une maudite de grosse marmite. Pas mal, ouais. Sans gras trans, pauvre en gras saturé, aucun arôme ou colorant artificiel, sans ajout de conservation, sans cholestérol et fièrement cuite à la marmite au Canada à partir de pommes de terre cultivées à la ferme. Il y a vraiment rien à lire, là. Fabriqué avec soin, ingrédients, pommes de terre spécialement sélectionnés, huile végétale, assaisonnement.

C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Comment quand on a faim, on commence à déparler, tu sais, David, il dit qu'il est affamé. Ouais. L'accent trifluvien sort juste quand il a faim. Exactement. T'as affamé. Je suis outreux. À trois rivières. Hey boy. Un poteau. notre accent trifluvien n'est pas inclus. Il en échappe ses chips. Ah, David. Bout en train, David. Qu'allons-nous faire avec toi? Mais en même temps, avoue... Je pense qu'on va te nourrir au hot dog ce soir. C'est, avoue que si on le perdait... On mettrait sa litière devant la porte pour qu'il revienne. On va continuer dans quelques secondes avec encore plus de nouvelles de fast-food. Enfin, on va commencer un bloc de nouvelles de fast-food. On n'a pas encore commencé ça. On s'écoute avant ça une petite pièce de Lesbo Vrouven. Voici Coloris à Assemblage Rue. 89. Oh, c'était sexy, ça. C'est ma voix de samedi soir. Ouais. Be there. Lesbo Vauvin et Coloris Assemblage Requis. Les petits oiseaux sont là pour quelques minutes encore derrière nous parce que c'est la dernière émission de la saison pour Assemblage Requis cet été. Oh, triste. Hein? Mm-hmm. Il nous reste encore 15 minutes, comme j'ai dit. Tantôt, Tania, faut se rappeler Oui. Qu'on a des nouvelles à annoncer à nos chers petits requins auditeurs. Mais avant d'annoncer cette grosse nouvelle-là, c'est la suite d'une grosse pointe d'adresse avec, encore une fois, l'intro parce que Marilyn ne l'aime pas. Oh, j'aime ça! Crunch. Hey, c'était hot, ça, c'était exactement sa note en plus. Ouais. Elle a comme croqué aigu, pareil comme dans la note. J'ai les sons exact. De croquage de chip. Une aigu. Musicienne buccale. Une musicienne buccale. Comme on l'appelle. Oui. Bref, souvent. C'est ça. Toujours avec Marilyn Doyon de la Chasse-Galerie, la chef en chef, la cordoyon bleue, comme on l'appelle, ça c'est juste moi, qui est avec nous pour parler maintenant de nouvelles de fast-food. Donc je vais vous demander votre avis sur les nouvelles, les amis. Commençons par Wrigley, la compagnie de la gomme, là, Double ouais. Mint, Juicy Fruit, qui poursuit une compagnie de vapoteuses pour leur saveur de cigarettes électroniques Juicy Fruit, J-O-O-S-Y, et Double Mint, D-B-L Mint. Oh boy. On sait évidemment que de la nicotine liquide est produite par plusieurs compagnies dans une variété de saveurs, que ce soit fraise, barbe à papa, peu importe, pour pas que ça goûte le tabac. Mm-hmm. Tout seul, est-ce que je crois qu'on a une fumeuse dans la place? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que t'as essayé de la vapoteuse à saveur de gomme ballon? J'ai essayé quand ça a sorti, puis j'ai pas tant aimé le... Non. Pas pour tout le monde, hein? Apparemment, c'est compliqué, vapoter. Non? Moi, je m'étouffais, là. Ouais, c'est ça. Apparemment qu'il y a un temps exact auquel il faut que tu aspires. Ouais. Non, mais sûrement, c'est tout fait avec la cigarette dès le départ aussi, non? Oui, première fois, oui. Et d'autres affaires que t'as essayé, mais on n'en parlera pas. Non, donc Wrigley, basé à Chicago, c'est une propriété de Mars, les bars Mars. Ah, ben oui, je savais pas. Oui, donc ils ont parti une poursuite récemment, accusant Chaytown Vapors d'infraction de marque de commerce pour avoir produit et vendu ces marques de liquide à saveur susmentionnées. Donc on dit que c'est un effort intentionnel pour prendre la marque de commerce de Wrigley à leur... pour faire des profits, finalement. Ah, ben, Moses. Alors ensuite, t'as quelqu'un parlant de poursuite qui poursuit parce que les bars tendres Nature Valley, les bars granola, contiennent un pesticide assez commun. C'est vrai? Oh. Arrête, je les mange, ceux-là. Moi aussi, c'est mes préférés. C'est mes préférés de tous les temps. C'est les ceux qu'on pense qui sont normales, naturels et santé. Là. Exactement. Donc, on dit que c'est un quartet de poursuites l'été passé que General Mills, en fait, ont dit qu'ils mentent à leurs clients avec l'étiquette Nature Valley, les barres granola, disant que c'est fait avec 100% de c'est quoi, c'est des grains entiers naturels, mm-hmm. c'est ça. Parce qu'en fait, le produit contient un tout petit peu d'un tout petit pesticide qui s'appelle le glyphosate. Les niveaux de pesticides dans les barres sont bien en dessous de ce que, aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency détermine qui est correct. Donc, on dit que ça mérite quand même la mention 100% naturel. Ça, c'est en dessous des lignes directrices. Une poursuite qui vaut peut-être pas grand-chose. Hein? General Mills, donc, a gagné. Finalement, ils sont contents de ce que la Cour a décidé. Ensuite, un breuvage, une tisane, je dirais, un breuvage aux herbes. Ouais. C'est ça. Qui a été rappelé, comme on appelle, comme demandé aux gens de les renvoyer à la compagnie, parce qu'apparemment qu'il y avait un médicament qui ressemblait un petit peu à du Viagra à l'intérieur. Ouais. Donc, quand ça faisait monsieur bien réveillé. C'est les petits messieurs. Un petit peu de croustillant, langue dans le coin, etc. Monsieur devait être heureux. C'est ça. Ou madame. Et voilà. Donc, lorsqu'un produit contient quelque chose comme, bon, qui pourrait causer des allergies comme les produits laitiers, les gens, évidemment, veulent avoir un avertissement. Les produits vont être rappelés si jamais c'était pas écrit dessus. Ben ici, le breuvage qui est New of Copy Genton Traditional Natural Herbs Coffee. C'est servi comme du café instantané, mais on appelle ça un produit de Male Enhancement, donc amélioration de votre engin masculin. C'était vendu en ligne et directement par des vendeurs. C'était sur le marché entre 2014 et 2016. Donc, il y avait du lait non déclaré à l'intérieur, mais le vrai problème est une autre substance dans le breuvage, le desméthylcarbodénaphyl. C'est pas comme du Viagra générique, nous dit-on, mais c'est d'une structure similaire au sildenafil, qui est l'ingrédient actif du Viagra. Ce qui veut dire que ça avait les mêmes effets secondaires que le Viagra, dont le risque d'une chute de pression sanguine combinée avec des palpitations cardiaques. Mon Dieu! Wow! Un beau petit café. Donne pas ça à ta... Ouais, c'est ça. Ça faisait quoi si la femme en buvait? Je sais pas. Oh, j'avais la même question. En fait, je me reprends sur ma phrase. J'aurais sauté sur la table. C'était une chute de pression lorsque combinée avec des médicaments pour le cœur. J'ai mal lu la phrase, mais bon, ça en revient un peu pas mal au même. On n'a pas encore entendu parler de blessures ou de morts par rapport à ces produits-là. Une chose. Mais quand même, sachez-le que le produit est rappelé en ce moment. Ensuite, les tartinades sont mortes. Il n'y a plus personne qui aime ça manger de la margarine, apparemment. Depuis les dernières années, Unilever, c'est le plus grand fabricant de margarine au monde, qui essaie de trouver comment rendre les tartinades un petit peu plus cool. Est-ce que vous mangez des tartinades style margarine? Moi, c'est de la margarine. Moi, c'est de la margarine. C'est les deux. C'est les deux. Moi, c'est de la margarine vegan et super bonne en plus. Comme ça, il n'y a pas de produits laitiers dedans. Mm-hmm. Vraiment bonne. C'est vrai. Baisselle pour verre. Nom. Bref, ils essaient de s'ajuster avec les goûts des consommateurs, bien sûr, parce que les tartinades se vendent moins bien. C'est difficile pour eux, en fait. On dit pendant un appel téléphonique par rapport à leur indice en bourse puis leur argent, puis tout ça, là, on dit que les tartinades ont descendu de 3,7% versus l'année passée. Ça va pas bien. Mais c'est peut-être parce que les gens font tout simplement plus attention à ce qu'ils mangent. Puis ils sont pas mal plus attirés par l'huile de coco. Ouais, ben ça oui, se peut, ça. Ça aussi, j'en ai. Mmh. Et j'utilise pas mal plus l'huile de coconut. À la chasse galerie? Chez nous. Chez vous. Pas à la chasse? Mais apparemment, c'est pas tant meilleur que le beurre, hein? On a déjà parlé. Bref, Unilever dit que ses ventes en tant que telles vont super bien et ça monte, sauf pour les tartinades. Donc, ça va pas bien de ce côté-là. Mais bon, ils vont essayer des affaires, j'imagine. Ensuite, on y va avec des restaurants qui servent moins de boissons sucrées sur les menus pour enfants, mais la plupart des restaurants le font quand même. On sait évidemment que les enfants, surtout américains, donc des États-Unis, prennent pas mal de poids. Ici aussi, je pense que les gens prennent pas mal de poids à cause des liqueurs. C'est le sucre est une source majeure de calories et de sucre dans le régime des Nord-Américains. Donc les breuvages qui sont considérés comme faisant partie d'un repas pour enfants. Nous dit-on ici que la plupart des restaurants vendent ces menus-là en bundle qui contiennent donc un breuvage. On dit qu'on a évalué oui, 50 restaurants partout au pays. 38 avaient des breuvages étiquetés comme étant pour enfants. 32 de ces restaurants-là mettaient des breuvages sucrés avec leur menu pour enfants. On dit donc que ça va aller en baissant, mais pour l'instant, il y a pas mal de restaurants qui vendent encore ça avec des liqueurs. Les restaurants qui n'incluent pas de breuvages sucrés sur les menus pour enfants, entre autres McDonald's, on sait que c'était rendu, il y avait du lait frappé style, il y avait des petits jus, des trucs comme smoothie, ça. Smoothie, je pense. Smoothie. Dairy Queen, Subway et Panera Bread aux États-Unis qui ne vendent pas de breuvages sucrés avec leur repas pour enfants. Et puis on dit aussi que le lait faible en gras, donc 1% ou écrémé, c'est devenu aussi très populaire sur les menus pour enfants. Pas mieux. Mais ils te le demandent hein, maintenant au McDonald's? Absolument. Est-ce que vous aimeriez du lait écrémé dans votre café? C'est qu'ils le demandent devant l'enfant aussi, genre, est-ce que tu veux des frites ou... ou le petit jouet. C'est ça, ou des quartiers de pommes, je sais pas trop quoi. Bref, Lyft, vous connaissez Lyft et Uber, les services de voitures qui viennent vous chercher là où vous êtes. Non. Et bien maintenant, non? Je connais ça pas. Tu connais Uber, là? Oui. Mais Lyft, c'est juste aussi. Non, c'est ça. Ben, il n'y a pas ça ici, mais il y a ça aux États-Unis. Bon, bref, c'est ça. Tu vois, hein? Focus. Donc, Lyft qui va pouvoir passer chez Taco Bell avant d'aller te chercher. C'est un partenariat avec Taco Bell après une soirée peut-être de buverie ou peu importe. Ouais, sûrement ça. Petite régale. Ça s'appelle le Taco Mode chez Lyft. Ça va être disponible pour l'instant à l'intérieur de l'application dans des endroits sélectionnés. Taco Mode va être disponible pour commencer de façon limitée à Orange County en Californie. En fait, c'était à la fin du mois de juillet. Au début du mois d'août, entre 21h et 2h du matin, c'était aussi disponible. Et on dit que ça va permettre, que ça permettait en fait à tout le monde aux États-Unis de... Ben en fait, je me reprends. Focus. Californie. C'est ça, que ça va être partout aux États-Unis d'ici 2018. Ah. Voilà. Les gens qui utilisent le mode taco vont recevoir un Doritos Locos Taco selon un Lyft. Ça va être gratuit. Ce que tu sais pas, c'est que ça fait déjà 6 heures qu'il est dans le char. Dans valise. Il passe pas au Taco Bell. T'sais, il est juste là. C'est ça. Il te le donne quand t'arrives. Ouais. Miam! Du Taco Bell, ça va. C'est toujours très bon. Il passe en début de son shift, il ramasse tout, puis c'est ça qui arrive. Miam! Il y a un petit réchaud dans sa valise. Exactement, comme les livreurs. Wow! Nestlé va construire une usine spéciale pour que le Japon puisse continuer d'avoir ces sortes bizarres de Kit Kat. Tu sais, les Kit Kat bizarres au Japon, il y en a plein. En Amérique du Nord, on a souvent des saveurs de Oreo spéciales. Et bien, au Japon, on a plein de sortes de Kit Kat. Kit Kat au thé vert, entre autres, qui existe depuis 2004. Et après ça, c'est devenu super populaire avec des centaines de saveurs qui sont juste pour le marché japonais. Donc, ça explique la popularité de la barre Kit Kat là-bas. On dit qu'en... que la marque de la barre de chocolat est similaire à une expression japonaise Kitokatsu, qui veut dire « Surely win », comme vous allez certainement gagner. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est un cadeau populaire pour différentes occasions. Les gens se donnent ça en cadeau. Les saveurs exotiques sont populaires avec les touristes aussi au Japon, qui ramènent ça à la maison comme un petit quelque chose, un petit cadeau à donner à leurs amis. Donc, la BBC dit que les ventes de Kit Kat ont augmenté de 50% depuis les 7 dernières années. Les touristes, surtout, contribuent à ça. Il y a plusieurs saveurs comme wasabi. Kit Kat au wasabi. Ah, sucré épicé. Pas soin. J'ai goûté à celui où on avait dit chocolat piment fort à un moment donné. Hein? Mm-hmm. C'est dégueulasse, je suis pas capable. C'est trop en même temps. Banane. Mm-hmm. Chocolat banane. Hein? Ouais. Mm-hmm. Au raisin muscato. Ginger ale, wow. Sauce soya, et là, ça là. Non, ça là, tu me perds. Déjà, à partant de la sauce soya, je suis pas une grande fanatique. Là. J'adore la sauce soya. Pas sur mon chocolat. Ouais, ça doit pas que c'est bon. Une autre histoire. C'est ça. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de ça, mais que vous avez quand même faim pour du chocolat et des petites gaufrettes, il y a des éditions limitées qui sont disponibles dans des boutiques. Donc, des boutiques Kit Kat du chef pâtissier Y. Takagi. On peut acheter ça dans des boutiques là-bas. Puis, il y en a une 7e qui est ouverte à Tokyo. Là. Tu peux aller à Tokyo. Là. Maintenant, aller acheter des pâtisseries faites par un chef. Des Kit Kat. Wow. Professionnel, un chef. Pas le chef des chefs comme Marilyn. Non. Doyon. La Cordoyon. C'est bleu. Pas la même chose. Mais comme. Voilà pour une grosse pointe d'adresse. Ça me donne vraiment faim pour des Kit Kat. Après, on va manger les chips. Moi, je dirais que c'est ma tradition de fin de semaine. Chips et chocolat. Ah ouais? Ouais. Ah. Mais plus depuis quelque temps. On n'a pas le genre même de tradition. Fais attention. Hein? Merci, Marilyn, d'être restée avec nous. De rien. Merci à David qui est parti comme un cheveu sur la soupe, comme toujours. En plein milieu d'une conversation, David s'en va et ne dit jamais bye. Mais à un moment, il revient. Puis il est comme là, puis tu fais comme... Ah, vous avez tous mangé les chips? C'est ça. Il en reste, David, il en reste. Mais oui. Nous, on va terminer l'émission ici. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était vraiment plaisant. Merci, Tania Baudin. Ben, ça fait plaisir. Merci, Mathieu Plante. Mais Caroline, de rien. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Pas tant, pas en direct. Non, parce qu'on a quand même des nouvelles à annoncer. C'est maintenant que ça se passe. On le dit depuis le début de l'émission. La nouvelle, c'est que notre format d'assemblage requis va prendre de l'expansion. Un peu comme quelqu'un qui mangerait des chips et du chocolat à chaque samedi soir. Mm-hmm. On prend de l'ampleur. On va être en format de 3 heures en direct à partir de cet automne. Vous savez, l'année passée et l'autre année d'avant, depuis quelques temps, on était entre 6h30 et 9h30, mais seulement la portion 7h30 à 9h30 était en direct. Donc, la première heure, c'était des meilleurs moments. Cet automne, on change tout ça. On va être de 7h à 10h live d'un bout à l'autre, du lundi au jeudi. Et le vendredi, les meilleurs moments. Donc, en tant que tel, on va être là du lundi au vendredi, entre 7h et 10h, avec plus de chroniqueurs, plus d'étudiants, plus de gens avec des choses à dire, plus de chroniques de Tania, plus de chroniques de moi, mieux préparé. Puis changement aussi pour les palmarès. Absolument, changement pour les palmarès. Celui-là, Tania, je vais te laisser en parler un petit peu plus. Comment est-ce qu'on va faire les palmarès cet automne, dis-moi? Ça va se passer sur 5 jours? 4 jours. Exactement. Oui, ça commence bien. Je me souviens bien de notre réunion. Entre midi. Entre midi et 1h. Oui, c'est ça. Et 13h. Donc, les palmarès vont être étalés sur 4 jours. Oui. Puis, vous allez avoir le format fin de semaine qui va regrouper les 4 heures totales. Absolument, on va jouer ça en grande pile de palmarès la fin de semaine, mais sinon ça va être en format d'une heure tous les jours, donc ce soit top 20, top 10, top 5, nouvelles entrées, musique du maître si on a la chance, top canadien, tout ça va être là. On a une heure de plus parce qu'on avait 3 heures l'année passée, donc voilà, plus de nous un petit peu, ça va être vraiment musical. On va vous accompagner pendant que vous allez dîner, là. C'est-tu pas merveilleux? Dites pas qu'il y a trop de nous autres, le midi on parlera quasiment pas. Là. Ouais, c'est ça va être quasiment juste la musique. On fait juste vous la présenter, en fait. Génial. On va avoir du fun. Ça commence le 11 septembre. Donc, lundi au vendredi de 7h à 10h et lundi au jeudi de midi à 13h pour Assemblage requis et les palmarès, c'est fou. Là, c'est vrai qu'on s'en va. Encore une fois, merci, Marilyn. Merci, Tania. Bye, tout le monde. Bye, bye. Tu voulais pleurer, pleure. Tu veux pleurer? Pleure, pleure. Oui. Malaise. Malaise. On s'était dit qu'on ne devait pas oublier rien aujourd'hui. On a réussi à oublier à la finale. On a réussi à oublier quelque chose. Donc, on va rester avec Marilyn un petit peu parce que Marilyn, t'as quelque chose de gros qu'on aurait dû mentionner plus tôt dans l'émission. Qu'on a carrément oublié. Qu'on a oublié. T'as quelque chose d'énorme, toi aussi, qui s'en vient. Oui, en fin de semaine, c'est les délices d'automne. Mm-hmm. Il y aura donc une compétition de chef cuisinier et la Chasse-Galerie a été recrutée pour faire la compétition. Ils sont venus sonner à votre porte. Oui, ben à ma porte. Ta porte. À ma porte. Mais t'arrêtais pas de dire vous. Mon téléphone a fait comme toc, toc, toc. Tantôt, je disais Marilyn Doyon, on disait non, je suis la chasse-galerie. Oui, c'est là, ça. Là, c'est non, je suis Marilyn Doyon. Oui, la chasse-galerie, Marilyn Doyon. Cordoyon c'est bleu. Fait... Oui. Cordoyon voilà, bleu. C'est fait recruter pour faire les délices d'automne. En compétition qui est samedi. Puis si je réussis à gagner, ça continue jusqu'à la finale. Ouh, on aime ça. On parle de samedi 2 septembre. Est-ce que t'as une petite idée de ce que tu vas faire? T'as pas l'air d'en parler, j'imagine. On a juste aucune connaissance. En fait, c'est 30 minutes. Puis t'arrives là, puis tout est là. Toi, t'as tes couteaux, t'as tes préparatifs, mais tu connais pas les ingrédients. Tu le sais dernière minute, puis t'as 30 minutes pour préparer un plat. Wow. C'est comme un MasterChef. C'est comme ça. Toutes les émissions de cuisine depuis des années. Oui, c'est ça, Mathieu Carac. C'est comme mais là, c'est comme en vrai. Oui, comme en vrai. C'est ça. C'est pas pré-écrit, là, puis il n'y a pas de... Est-ce que tu vas avoir ta gang de supporters de la chasse-galerie qui va aller cheer pour toi? J'espère profondément qu'ils vont y être. Sinon, vous? Tu fais pitié. Étant à l'extérieur du Québec, je ne pourrais malheureusement être là. Oh. Mais si tu te rends lundi, j'essaierai d'y être. OK, je vais essayer. On ira ensemble lundi. Hein? Ouais, c'est ça. Okay. Cool. Si je reviens de Toronto avant lundi, on va j'essaye. Elle me cache des affaires. Moi, je savais pas qu'elle s'en allait à Toronto. Oh là. Je savais pas ça, moi. Faut qu'on sache tout ce que l'autre fait. Là. Ouais, c'est ça. C'est dans le contrat. Exactement. Contrat d'animation. Non signé. Je l'ai oublié à quelque part. Je sais pas, je le trouve plus, mais c'est ça. On l'a. Ouais. Bref, hey, une chance qu'on a pensé à ça. Hein? Par nous-mêmes. Une chance, j'y ai pensé. Une chance, Hélène, au délice d'automne. Oui, ça va être malade. Samedi soir. Qui est aussi la chasse-galerie. Ma face égale la chasse-galerie. On va oublier. Absolument. Exactement. C'est écrit dans mon contrat. Là où les gens crient profondément présentement pour le 4 à 6 des nouveaux étudiants. C'est dans leur contrat en tant que nouvel étudiant. C'est ça, exactement. Au moins, ça crie pas encore les slogans. Oh, wow! La vulgarité, je peux pas fermer la porte à distance. Non, c'est ça, exactement. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. On va juste monter le fond. Bye! Merci, Marilyn. Merci, Tania. Bye! Bye!